Non, mais juste en britannique. Parce qu'en tout cas, sur le Cambridge Dictionary, les Américains, ils disent catacomb. Catacomb. Ouais. Tu sais qu'est-ce qu'on devrait réellement faire? Tu sais qu'est-ce qu'on devrait réellement faire pour avoir la vraie authentique réponse à cette question? On devrait bien sûr écouter Trésor National avec Nicolas Cage. C'est bien sûr la façon la plus rapide et efficace d'avoir une réponse à cette question. Écoute, ils vont dire Catacombs au moins 1 million de fois. Bonsoir tout le monde! Bienvenue à cette toute nouvelle émission du podcast de On a juste une vie. Nous sommes le 22 décembre 2016. Je suis Narf, c'est l'épisode 145. Et avec moi ce soir, il y a Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Narf. Et Blob s'en vient. Oui, c'est ça que je teasais pendant que t'étais allé chercher de l'eau, là. Blob devrait arriver avec une nouvelle coupe de cheveux, fait qu'il faut se préparer mentalement. D'après toi, est-ce qu'il va avoir les cheveux? Non, ben non. Je m'attends vraiment à rien. Peut-être qu'il va être devenu punk. Ah! Oh, peut-être qu'il va avoir... Peut-être qu'il va avoir la coupe de cheveux de Desireless. De qui? Desireless? La chanteuse, là. Qui avait les cheveux dans les airs, mais rasé plat. Mais qui c'est ça? Oh, Anne-Marie, là, elle chante « Voyage, voyage, oh, dans les hauteurs, au-dessus des vieux volcans. » Mon Dieu! Je suis belle sur ce tapis du vent. Je connais la toune, là, je connais. Voyage, voyage. Bon, elle. Eh ben, l'as-tu déjà vu? Ouais, mais comment t'écris ça, là? Ben, t'as écrit ça comme « désirless », là. « Désirless ». C'est une chanteuse française. C'est probablement Desireless. Ouais, mais c'est Desireless. Ok. Parce que c'est Mais son réponse est Claudie Fritch. Fait que dans le fond, Desireless, c'est peut-être mieux. Ben, c'est correct. Mais check ses cheveux. Hey, dans 3 jours, elle va avoir 64 ans. Oui, ben là, ça fait longtemps. Hey, mais ouais. Mais ça rappelle un peu Duke Nukem. Ouais. Ouais. Peut-être qu'on va essayer de faire un segue vers le gaming, là, mais quand même, ça rappelle quand même réellement Duke Nukem. Ouais, mais elle les a plus longs. Parce que Duke Nukem, c'est son cours. Oui. Duke Nukem, ça fait genre gars de l'armée. Ça fait genre. Oui, c'est ça. Il y a une bombe qui m'a explosé dans la face, puis après ça, je me suis rasé. Plat. Elle, c'est comme. C'est pas rasé, il a pris une machette, là, puis fou, un coup. Non? Ouais, peut-être. C'est de même que j'imagine que ça se passe. Pour elle, ça devait être compliqué de les faire tenir de même. Ça devait prendre beaucoup de gel, de spray et de toutes ces choses-là. Mais ça devait être l'époque aussi. Ouais, le premier titre qui recensait d'elle sur Google, c'est Voyage, Voyage. Puis toutes les autres, je les connais pas. Ouais. Donc, on ne parlera pas de Desireless ce soir. Et sais-tu quoi de quoi qu'on va pas parler d'autre, Anne-Marie? Quoi? On parlera pas de Trésor National 2. Non, parce qu'on l'a fait en mars avant l'épisode. En mars, parler de ça. J'espère que... C'est du bon matériel de bloopers, ça. Ouais, c'est ça. Sinon, je vais probablement avoir tout gardé ça, mis ça dans les bloopers, ce qui est très bien parce que c'est comme... Ça va être bon, ça va être un bon chunk, là. Je vais pouvoir le prendre, le chopper facilement au montage, le domper là. Parce qu'on s'entend-tu qu'on est le 22, d'habitude le montage je le fais le samedi, mais samedi c'est Noël. Ouais, ça sera pas le temps samedi. Fait que le montage, de un, ça va pas me tenter, puis de deux, je sais pas quand est-ce que je vais le faire. Fait que si le podcast sort en janvier, ce serait triste. Mais non, impossible. Ben, ça ferait comme tous les podcasts. Je sais pas si t'as une grosse liste de podcasts qui se met à jour à chaque jour, là, mais moi, ça commence à ralentir. Là. Je commence à manquer de contenu. Une chance que je travaille pas demain parce que j'aurais rien à écouter dans mon char. Ça, c'est grave. T'en écoutes donc bien. Oui, vraiment. Ben, dans le fond, 1 heure, 2 heures de char par jour. Puis en général, j'en ai tout le temps. Puis la fin de semaine, J'avoue. quand je fais du ménage, j'en écoute aussi. OK. Mais trouve-toi, il y en a plein des bons podcasts, pas de jeux vidéo, pour parfaire ta culture sur le monde. Mais j'écoute des TED Talks. J'écoute TED pas Talk, c'est pas juste pire. des jeux vidéo. Mais TED j'écoute Talk, c'est pas maintenant. pire, J'en mais il y a ai un peu tout à trop de fait. bullshit. De plus en plus, plus ça devient populaire, plus il y a de la bullshit, on dirait. Qu'est-ce que tu veux dire, la bullshit? Ben, des gens weird que tu fais comme, Really, dude, c'est-tu vraiment sérieux ton affaire? Ouais. Ben, La... Comme, oh, j'avoue je vais vous que. soigner avec des câlins. C'est comme, Ouais. Ben, c'est sûr que moi, j'ai vraiment un biais, là, je trouve, là. Je sais pas si c'est parce que je suis scientifique ou de quoi, là, mais c'est sûr qu'ils sont plus, genre, sciences humaines. Je les écoute moins. Ah, lol. Vraiment moins intéressée, là, ouais. C'est comme, on vient d'inventer des cellules souches qui font d'autres choses. Yes, ça j'écoute, tu sais. Mais, une 18e histoire, de la présidentielle américaine. Oh, non, je t'en ai. Oh, Mais il y a les... quand même des trucs intéressants. Là, c'est notre émission de Oui. Noël. Je Oui. veux dire, ça fait je sais pas combien de minutes que l'émission a commencé, puis là, c'est dès maintenant qu'on plug ça. Mais c'est comme notre émission de Noël qui va sortir à Noël ou après Noël. Fait que j'imagine qu'au lieu de parler de jeux de Noël spécifiquement, on pourrait parler de jeux de vacances. Mais de toute façon, on a brainstormé puis on s'est dit, voyons, j'ai pas ça, moi, des jeux de Noël à parler. Oh, moi non plus. Voilà, le brainstorm a fini là. Ouais. Moi, je peux. Ah non, mais je peux faire des suggestions. Je peux suggérer It's T'as des jeux Raining de Nintendo de Noël? Cabbages. Mais Ah, oui, ok. T'as-tu It's Raining un chip d'update? Cabbages, du 15 décembre au 15 janvier, il neige. Oh, it's also raining snowflakes. Yay! Ça part. C'est. Est-ce que tes abeilles ont des petits chapeaux de Noël? Ça serait beau. Non! Ça serait malade! Ce serait vraiment trop mignon. Ok, je pourrais faire cette feature-là cette année. Si tu faisais un peu... Ouais, ça devrait même pas être tant compliqué que ça. On va essayer. On va essayer. Il faudrait que je me note l'idée, parce que sinon je vais l'oublier. Attends, je vais le faire, là. Cabbages avec des sucres sur les abeilles. Vous l'avez appris en primeur sur le podcast de On a juste une vie. Oh Puis yeah. là, je le ferai pas, fait que vous allez être déçus. Oh. Je peux aussi vous suggérer d'autres bons jeux de Noël, tels que La course en pain d'épices, qui était mon jeu de Noël de 2000... Ben, de là, 2-3 ans, là. J'avais fait ce jeu-là. Oh, c'est un jeu que tu avais C'était fait. un petit jeu que j'avais fait avec ma blonde. C'était dans le temps que je commençais Construct, puis là, j'étais comme « Ah, je pourrais faire un Oh. petit jeu ». Là, cette année, j'étais un peu plus ambitieux. Je fais un autre jeu de Noël qu'il n'y a pas encore de nom. Mais c'est comme un espèce de match 3, mais pas vraiment. Il y a comme... C'est des biscuits dans un pot, puis là, tu cliques, puis là, quand... Ça fait des réactions en chaîne avec les couleurs, là. Fait que si tu cliques un bleu, tous les bleus autour vont péter et faire des Mais moi j'aime réactions en tellement chaîne. ça. J'aime ça des puzzles de même. Puis là, t'as genre 20 coups pour essayer de faire le plus gros score. Mais la high score table marche pas encore parce que j'avais un bug le matin. Fait que Bon. il devrait être fixé d'ici Noël. Puis je vais sortir le jeu à un moment donné, là. Va falloir être patient. Sinon, je peux aussi vous recommander un autre bon jeu tel que. Comment il s'appelait mon jeu déprimant? Ça s'appelait Dreaming of a Blue Christmas. Ok. Ça, c'était mon jeu de v'là 2 ans. Bref. Jeu de Noël dans On a juste une vie, c'est les jeux à Narf. Ben ouais, mais c'est bon parce que pour vrai, des jeux à thématique Noël, là. Mais j'ai joué à un jeu d'Halloween l'autre jour, je vous en avais-tu parlé? C'était quoi? Trick or treat? C'était-tu le jeu de Double Fine? Non? Non, c'est un mini-jeu gratuit sur Steam fait en RPG Maker qui dure genre 1 heure. Ça s'appelle Okay. Trick or treat. C'est super mignon. Non, j'en ai probablement pas parlé parce que ça vaut comme pas tant la peine. Mais j'essaie de penser, parce que là, je pense à genre des jeux associés à des fêtes dans l'année. Puis, à part l'Halloween, là, tu sais, j'ai pas de jeu de Pâques. J'ai pas vraiment de jeu de Noël, là. Pense pas. Ah, oh, malgré qu'on a joué à Divinity en fin de semaine, puis il a l'air d'avoir une genre de side quest de Noël. Parce que Divinity, ils font des affaires bizarres. Ah, je viens de me rappeler, moi je vais parler d'un trop, un très important jeu aussi. Dans Clicker Heroes, il y a une patch de Noël en ce moment. Mais c'est ça en plus, je regardais mon téléphone parce que je voulais essayer de voir quel jeu qui a une patch de Noël en ce moment, puis je joue comme juste à Pocket Frogs, fait que je joue pas. C'est un vieux jeu, ils font plus de patch. Ouais, c'est ça, non, je pense. Ah, mais pas. Dans Clicker Heroes, c'est l'événement Merry Clicksmas. Oh! J'aime ça les jeux de mots. Tu peux faire cliquer sur une boule, puis là, ça fait apparaître un sapin, puis là, tu peux varger dessus pendant 15 secondes, faire apparaître des cadeaux. Puis là, tes cadeaux, tu peux les utiliser. Puis là, tu peux aussi envoyer tes minions en quest pour les quests festives de Merry Clicksmas. Puis là, ça te donne bien plus de loot que d'habitude, genre. Cool! Je joue assidûment à Clicker Heroes, mais je veux dire, comme d'habitude, là. Mais je joue pas à un MMO non plus, là. T'sais, si j'avais continué à jouer à WoW un peu plus, sûrement qu'il y aurait eu un événement de Noël. Puis si je joue encore à Final Fantasy XIV, je sais qu'il y a un événement de Noël aussi. Dans HOTS! Oui, puis c'est sûr qu'il doit y avoir de quoi. Dans Heroes of the Storm, il y a un événement en ce moment, c'est l'événement de Noël, là. Il y a un nom cool dans le jeu, mais je m'en rappelle plus. Puis qu'est-ce que t'as? T'as le droit... Ça te donne une monture de Noël. C'est une espèce de gobelin avec une grosse poche de cadeaux. Puis ton bonhomme, il est par-dessus la grosse poche de cadeaux. C'est le Treasure Goblin dans Diablo! Oui, ça! Cool! Là, c'est une poche de cadeaux au lieu d'une poche de trésor. Oh. Fait que tu sais, déjà qu'il transporte un sac qui est comme à peu près 3 fois sa taille... Et certainement 3 fois à 5 fois son poids. Mais en plus, là, t'as ton héros par-dessus. Puis quand ton héros, c'est Diablo, ben on s'entend que niveau poids, ça doit fait, pas ouais, c'est ça. Être agréable. C'est puis donc, si tu fais, je sais pas combien de games, là, si tu fais une vingtaine de games d'ici à janvier, ça va tu vas pouvoir le garder permanent dans ton... Oh. Cool. Puis ça te donne aussi une autre affaire, je pense que c'est... En tout cas, d'autres affaires. Il y a des... Puis il y a des cossins à acheter aussi, là, des skins de héros de Noël. Ouais. Moi, j'attends parce que s'ils font comme l'année passée, ils ont tout mis à moitié prix, genre dans la semaine de Noël. J'aimerais bien qu'ils fassent la même chose, puis que j'achète toutes les choses à moitié prix. Tant qu'à les acheter, aussi bien les acheter à moitié prix. Exactement. Comme dans les anciennes ventes sur Steam où genre, au début, tout était baissé un peu, mais t'attendais la journée où ça allait être en flash sale avant de l'acheter. Ils en font-tu encore les flash sales? Ou... Non, il me semble qu'ils en font plus parce qu'il y a trop de gens qui demandaient des refunds. Parce qu'ils venaient de l'acheter comme à 50%, puis le lendemain, il était à 75%, fait qu'il y avait beaucoup de gens fâchés. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ne le font plus. Fait que tu l'achètes durant la... Ben, mais là, tant qu'à faire, c'est comme si tu l'achetais la veille de la vente, puis là, la vente, elle commence. Ben oui, mais le monde se plaignait vraiment beaucoup. Ouais, bon. Ben... Mais ouais, parlant de ça, je sais qu'il y a dans le MMO Final Fantasy XIV, c'est un événement avec des costumes de Noël aussi. Puis moi, je trouve ça poche, des costumes de Noël. Ça me faisait penser à ça parce que tu les portes juste à Noël puis tu les portes pas le restant de l'année, tu sais. Ce skin-là, tu l'achètes? Ouais, c'est ça. Ou tu sais, si tu fais toute la quest pour l'avoir, genre, ce skin-là, tu... T'es plus cool rendu en février, là. Ben. Même le 15 janvier, t'es plus cool. J'imagine que ça dépend. De quoi les... Ça dépend. Est-ce qu'ils te permettent de changer les couleurs ou c'est. Ouais, peut-être. Mais tu sais, ça a l'air quand même d'un costume de Père Noël, tu sais, avec comme du poêle pis tout. Ah. Mais, ouais. Parce que, genre, dans Heroes of the Storm, mettons, quand j'avais acheté Sylvanas de Noël, son skin de Noël, il est vraiment, genre, lutin. Blanc, vert et rouge. Mais après ça, quand tu level up, puis là, tu peux changer les couleurs. Fait que tu le mets bleu, ça a de l'air. Elle fait genre princesse des glaces. Ah, mais c'est bien cute, ça, c'est le fun. C'est la première fois que je me sens. Tu peux changer des skins dans des MOBA. Tu peux changer la couleur. Fait que c'est. Ça te permet d'être moins Noël le reste de l'année. Fait que Ben là, oui, ouais, ça va ça être veut dire vite. que là, c'est le temps de ressortir Sylvanas, puis là, de rechanger la couleur pour la mettre Exactement. nouvelle. Parce que c'est le seul moment de l'année où ton skin il va fitter, genre. Je sais pas dire, je comprends pas l'engouement des skins de Noël, parce que le restant de l'année, c'est comme poche. À moins que ce Non. soit drôle avec le personnage, à moins que ce soit comme vraiment hilarant, mettons. Ben, Stitches de Noël, c'est quand même assez Ça drôle. doit être pas pire, hein? Ouais. C'est comme. C'est genre vieux mononcle dégueulasse. Ouais, c'est ça. Déguisé en Père Noël tout croche. Mon Dieu. Avec un. Comment t'appelles ça? Une plaie qui ferme jamais, là. Oui, c'est ça a Ouais. un nom, là. Une plaie qui reste ouverte là, elle est un peu là. C'est qui est cicatrisée ouverte, là. Puis... Ouais. Il y a des vaches qui ont ça pour que tu puisses aller étudier leurs organes. Ouais. Puis, bref, Stitches, il y a ça. Puis là, il y a Oui, des un dents, peu puis il y a ses partout. tripes qui traînent un Oh peu à terre. Puis... Fucking Stitches, il est tellement laid. mais il est si drôle. Stitches want to play! Mon Dieu. C'est drôle, justement, en fin de semaine, on a joué à Divinity Original Sin, mais le premier. On jouait en coop. Puis, t'as-tu déjà joué à ce jeu-là? Les Non. PNJ passent leur temps à comme, tu sais, ils s'arrangent pour que le monde ait de l'air vivant un peu. Fait que quand t'es dans le marché, les PNJ crient le fait qu'ils ont des choses à vendre. Fait que, mais c'est vraiment, ça devient vraiment tannant. Tu sais, mettons que tu réarranges ton inventaire pendant 10 minutes, pendant que t'es dans le marché, là. C'est gossant, là! Parce que là, t'as la madame avec ses fruits, pis c'est les légumes qui arrêtent pas de gueuler, qu'elle a les plus frais du monde. Pis là, t'as le monsieur avec ses fromages qui... Qu'est-ce qu'il dit? Fait que le problème, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas enregistré assez de lignes différentes? Non, c'est juste qu'ils le disent très régulièrement, mettons. Mais tu sais, dans des jeux, souvent, ils vont le dire comme quand t'arrives dans la zone. Puis là, genre, Ouais. ils arrêtent un peu, là. Les autres, c'est comme une cacophonie incessante. Mais c'est quand même réaliste, tu sais. C'est juste que si tu décides de faire tout ton management d'inventaire, comme en plein milieu d'un marché, Ben, si tu vas occupé, dans. fourmillant, ben, c'est super tannant. Ben, je l'ai déjà fait, là, en voyage, tu t'en vas dans des villes qui ont des marchés ouverts comme ça, puis les Mais vendeurs, c'est ils sûr. crient non-stop, là. Fait que si Ouais, tu décides de rester à côté pour refaire ton inventaire c'est d'emplettes puis sûr. changer de sac, ben, ouais, ça va être gossant. C'est Mon Dieu. réaliste, là, Anne-Marie, là. C'est important. Qu'est-ce qu'il dit là? J'essaie de googler. Ah, Voilà. c'est ça. Le vendeur de fromage, il dit: The man with the most friends is the man with many cheeses. Sûrement. Ouais, c'est ça. T'entends ça puis tu dis: Il est peut-être pas tard, le monsieur. Sauf que Ah, ça s'il m'a pue à tellement fait cause de rire. ses fromages, il n'y aura Ah! peut-être pas tant d'amis que ça. C'est vrai. Si C'est une bonne question, sent le ça. fromage, ça doit pas être vendeur tant que ça. Mais Mais c'est un là, bon jeu à revisiter pendant Noël, si vous avez du temps à Divinity, parce que c'est drôle. C'est bon, pis c'est drôle. Puis ça, il y a des Ça a l'air affaires qu'il de y a une Noël ou bonne. c'est juste un bon jeu? C'est juste un bon jeu. OK. Mais il y a une quest que je pense que c'est une quest de Noël, mais on l'a pas fini. Tu te Ah. téléportes dans un monde avec de la neige. Fait que. Mais là, si je comprends bien aussi, la semaine passée, tu me disais que. En fait, non, la semaine passée, on n'a pas fait d'émission parce que je t'épais, parce que j'ai oublié le soir de l'émission comme un cave. Tu t'en es pas vanté sur Facebook, en tout cas. Tu Lol, non. t'excuses aux auditeurs. Mais t'as joué à un jeu avec de la neige. Oui. Ah oui, mon Dieu, quel beau segue. Ouais, Hein? je l'avais pas vu venir celle-là. Je jouais à un jeu avec beaucoup de neige, puis honnêtement, ça a pris au moins trois quarts du jeu avant qu'il t'explique pourquoi qu'il y a beaucoup de neige puis qu'il fait froid. Il t'explique? Ouais, mais parce que c'est la fin du monde. Parce que les Mayas. Oh. Ouais. Oh. Ben, tu sais, ça tombe exactement dans le moment où il commence réellement à essayer d'expliquer ce qui se passe, puis il n'y a plus rien qui fait du sens, puis tu décroches complètement Ah. du. Voyons, juste du Ben là, plot. En fait, Anne-Marie, oui, c'est du les plot. Mayas, là. De toute façon, Ouais, là, juste du plot. Et tous les Mayas. c'était quand, là, à un moment donné, là, ils ont. C'était quand? C'était genre, là, à peu près 5 ans. Ben, en Il y a eu. 2012. C'était genre l'année, la fin du monde, tout, là. Il y avait une date, là, puis là, tout le monde capotait. C'est peut-être ça. Ça peut être ça, ouais, c'est pas le 21 décembre 2012. Puis là, on souhaitait une joyeuse fin du monde sur Facebook, puis là, on était là, ah, ah, ah, c'est drôle, puis... Ouais. Parce que le calendrier Maya finissait à cette date-là. Genre, ouais. Fait que c'est un jeu qui parle de ça, finalement. Ben, même pas. Oh. Pas tellement, non, c'est ça, ben, on va le nommer, là, c'est Fahrenheit Indigo Prophecy, qui est comme un des premiers gros titres de David Cage, je pense. Il a fait d'autres choses avant? Oui, je sais pas s'il a fait d'autres choses avant. Ça, je me demande. Mais c'est parce que déjà, dans ce jeu-là, il y a un super gros ego, fait que j'imagine qu'il y a sûrement... Non, mais... Là, faut comprendre, là. Faut mettre un contexte. LOL! C'est la première fois que je joue à un jeu de David Cage, mais ça fait des années que, tu sais, je m'intéresse dans l'industrie pis tout, fait que j'en entends parler nécessairement, tu sais. Fait que je rentre là-dedans avec des attentes, là. À chaque... Yeah, c'est pas maintenant. Chaque nouvelle console, t'es pas mal sûr de voir David Cage sur le stage qui va te parler de son tech démo. On a fait un tech démo, ça roule real time sur le PlayStation 4. Wow! Oh my God. Pis là, oh, mon nouveau jeu! Y a-tu assez de pour exprimer ses émotions, là? Oh, so many... Si t'as pas assez de pixels... C'est lui qui a fait une citation là-dessus, hein, c'est ça? Oui. Ouais. Si t'as pas assez de pixels, les émotions, tu peux pas. Fait que c'est pour ça, tu sais, dans le fond, toutes les bouts où tu graisses des dents dans Fahrenheit parce que le jeu d'acteur est vraiment pourri, c'est parce qu'il y avait pas assez de pixels. C'est ça qu'il veut dire, dans le fond. Non, c'est ça c'est les émotions. Son writing est mauvais, là. C'est parce qu'il y avait pas assez de pixels. Non, pas assez de pixels. Oh là là. Ça peut pas être parce que son writing même. Non, mais j'ai vraiment, ça m'a juste frappé. Parce que ça fait des années que j'entends parler de David Cage. Puis tu commences le jeu, puis tu peux commencer tout de suite où il y a comme une petite section tutoriel qui t'explique les contrôles, qui sont vraiment pas évidents pour moi. Parce que moi, j'ai pas connu l'époque comme PlayStation 2 avec les contrôles où ton personnage, il fait juste comme avancer ou tourner ou avancer. Puis c'est super comme pas. Ah, oh, ouais, c'est le même. Oui. Comme les vieux Resident Evil. C'est comme les vieux Resident Evil. Ouais, tu peux changer la caméra, genre. Fait que tu peux... T'as comme 4 angles de caméra en général, là, les 4 points cardinaux, puis pour être capable de comprendre où est-ce que ton bonhomme il s'en va, puis être capable d'interagir avec des affaires, c'est vraiment pas évident. Mais c'est ça, t'as un tutoriel où c'est David Cage en personne, refait dans le jeu, qui t'explique... Un avatar de David Cage. C'est ça, mais c'est sa face puis sa voix. C'est vraiment lui, hein. Qui t'explique que tu vas être comme dans une production cinématographique, mettons. Puis là, c'est dit, t'as une caméra 1, 2, 3, 4, tu peux les changer autour de toi, puis comment te déplacer, etc. Puis il t'explique comment faire les Quick Time Events, puis c'est tout. C'est ça le tutoriel, là. C'est littéralement genre, je suis l'auteur de cette chose, je vais vous expliquer comment évoluer dans mon œuvre. C'est parce que Indigo... Ouais, Indigo Prophecy, il veut vraiment que tu comprennes que c'est un film. C'est pas un jeu vidéo, c'est un film. Ouais. Genre, regarde là, il y a des caméras, regarde, c'est un plateau de tournage. Puis là, t'es comme, non, c'est pas un vrai plateau de tournage, ta gueule! Dude, what the fuck? C'est pas un vrai acteur! C'est toi qui choisis, tu sais, c'est sûr que c'est plus cool qu'un film parce que c'est toi qui choisis. Des fois, t'as trois personnages, puis des fois, tu peux choisir lequel que tu vas aller faire en premier sa quête. Puis, tu sais, t'as plein de choix à faire dans l'histoire, fait que t'as plein de fins, t'as des choses que tu découvres, des choses que tu découvres pas. T'as vraiment beaucoup de choix dans les dialogues aussi qui affectent vraiment ce que tu fais. Fait que ça, c'est super, super intéressant. Mais c'est vrai que du point de vue de la réalisation, de la façon que c'est fait, on dirait vraiment que c'est un film. Tu sais, des fois, t'as plusieurs écrans que tout se passe en même temps. T'as vraiment le fait qu'il y ait plusieurs personnages, plusieurs storylines. Comme dans 24. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien parce que au début, tu catches pas, puis à un moment donné, tu réalises que des fois, il y a des choses importantes qui se passent dans les autres écrans que tu contrôles pas. Tu contrôles l'écran principal, mais parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui te court après, là, puis lui, il est dans l'autre écran. T'sais. Fait que tu peux t'aider de ça pour te dire là, ok, là, faut j'accélère parce que je vais me faire pogner. Fait que ça, c'est pas pire. Mais moi, l'histoire, juste, par exemple... Je me souvenais juste qu'il y avait bien de la neige. Puis justement, comme tu disais, que moi, ce que je trouvais cool, c'était que... Tu sais, mettons, tu jouais les policiers qui courent après le gars, puis le gars. Qui se fait courir après. Qui se fait courir après par les policiers. Fait que c'est comme... fou, parce que quand t'es lui, tu veux te sauver, puis quand t'es eux autres, tu veux le pogner. Ben oui. C'est puis là, tu sais, à un moment donné, il y a comme un objet compromettant, puis là, il le cache. Fait que toi, tu sais où tu l'as caché, c'est toi qui l'as caché. Puis après ça, tu joues les policiers, tu peux faire qu'ils s'en vont fouiller dans cette armoire-là, ou non. Ou non. Puis ça, ben, moi, ça, je trouve ça très cool. Ouais, c'est vraiment cool. Mais je sais pas, avec cet objet-là, tu te fais-tu pogner? Si tu le... T'es-tu game over? Je sais pas, j'ai pas... Je l'ai pas fait. Ils l'ont pas trouvé. Moi non plus. C'est comme, non, je vais faire qu'il fouille pas dans l'armoire, là. Mais je pense que tu peux avoir cette scène-là puis être un policier, en fait. Ouais, ouais. Parce que... Ouais, c'est ça. Fait que ça change aussi. Parce que ça doit pas être toi qui cache l'objet. Fait que faut vraiment juste que tu le trouves. Probablement que l'intelligence Peut-être. Artificielle le cache quelque part, puis toi, faut que tu le trouves. Peut-être. Je sais pas. Ouais. Parce que, non, parce que quand je l'ai fait, ça donne un achievement, puis ça dit, genre, avoir survécu à la scène d'interrogation en étant le doute qu'il y a quelque chose à se reprocher. Mm. Fait que là, ça veut dire que tu dois avoir l'option en étant le policier. C'est super intéressant, tous ces petits détails-là. Mais c'est ça, je sais pas si ça te fait mettre game over, parce qu'à un moment donné, j'ai comme fait exprès, qu'à un moment donné, il y a comme vraiment une poursuite, là, puis j'ai comme fait exprès pour qu'il me pogne, puis c'est tout de suite game over. Mm-hmm. Je me disais, genre, peut-être que c'est une option, tu sais, qu'ils réussissent à t'attraper. Mais là c'était pas une option. Game over, on recommence. Fait que bon. Ouais. Mais ouais, la neige, j'avais trouvé ça bien drôle, les moments où... J'ai plus remarqué la neige, c'est quand il lâche comme lousse dans la ville. Sauf que la ville est vraiment pas grande. Puis tu sais pas où aller des fois. Fait que là, tu pars le long d'une route. Puis là, il dit, ah non, je suis rendu trop loin. Mais t'es comme, où est-ce qu'il faut que j'aille? J'ai pas de carte, rien. J'ai rien qui me dit où est-ce qu'il faut que j'aille. Là, tu pars sur une autre route. Puis comme, ah non, pas par ici. Mais moi pas dans une espèce de. Mais moi pas dans une ville, genre, lousse de même, en me disant pas où aller. Si genre. T'as pas rendered plus que deux coins de rue, puis tu peux pas aller plus loin. J'ai vraiment trouvé ça. Parce que direct au début, tu fais ça. Au début, tu te sauves. Puis il faut que tu sauves la police, mais comme la police, elle arrive pas tant que t'as pas trouvé où est-ce qu'il fallait que tu te sauves, là. Fait que tu fais juste comme marcher dans la mauvaise direction. Oui, il faut être dans le métro, c'est ça. Mais moi, comme je suis pris une rue, puis je suis partie à courir, tu sais. Mais là, c'est ça, il revient de bord en disant non, pas par là. Mais la police arrivera pas. C'est très réaliste, ça. Tu pars à courir, puis là, tu fais comme, non, excuse, je m'en allais pas du bon bord, je vais revirer de bord. Pas par là. J'ai trouvé ça super tannant. Il y a tellement de bouts de tannant dans le... Tu sais, j'en parlais avec un ami de toutes les variations de l'histoire à la fin, puis il me dit, ah, ben, faudrait que tu le fasses une autre fois pour voir, tu sais. J'ai pas tellement envie de le faire une autre fois. Ouais. Le gameplay est chiant, là. J'ai juste envie d'aller voir sur YouTube. Ouais, mais c'était cool de le faire une fois. C'était correct. Mais je trouvais qu'il y avait des scènes de QTE qui ne finissaient pas. Ouais. Tu vois, c'est là que Telltale, je trouve qu'ils font une meilleure job. C'est que la balance de Quick Time Event versus... Mais j'aimais ça. J'aimais la façon que c'était fait. Par contre, dans Fahrenheit, là, c'est beaucoup de QTE, puis t'en as beaucoup, puis t'as 8 pitons de possibilités. Mm-hmm. Là. Ouais, t'as comme ouais. deux, quatre directions, puis il y en a plein. Puis tu sais, je trouve que c'est touché. C'est tricky. C'était un niveau de difficulté que j'appréciais. Ouais, c'est ouais, juste ouais. Que des fois, c'était super long. Ouais. C'est ça. Des fois, tu dis, bon, on achève-tu, là? Parce qu'en plus... Ils veulent te montrer que c'est intense. Là. Mais c'est qu'en plus, tu fais des QTE, fait que t'apprécies tellement pas tant l'action qui se passe parce que t'es beaucoup trop concentré à regarder où est-ce qu'il faut que tu tapes. Ouais, tu fais juste regarder les couleurs. Là. Ben oui, c'est ça, tu fais juste regarder où est-ce qu'il faut que tu tapes, fait que t'apprécies pas tant le fait qu'il y a, en fait, il y a une énorme séquence d'action digne de Hollywood qui se déroule sous tes yeux. Ben oui, digne de Hollywood. Ben oui. Imagine. Mais quand même, je trouve que... J'ai joué ça avec un clavier. Ça paraît que c'est l'inspiration. Moi aussi, j'ai joué avec un clavier. Oh. Bon. C'est probablement pour ça que j'ai de la misère avec les contrôles. Parce que c'est ça, c'est que le WASD est tellement bizarre quand, genre, le A puis le S, ils te font juste tourner. Puis si tu décides de reculer, ton bonhomme, il recule pas. Il fait un 180 degrés pour regarder dans l'autre direction. Puis là, il faut que tu appuies pour avancer. Mm-hmm. Et que ça m'a mêlé, là. Ben là. T'imagines-tu s'il marcherait de reculons, ça serait pas réaliste, Anne-Marie? Ben, c'est ça. Mais c'est petit tannant. J'ai l'habitude de pouvoir reculer. Petit tannant. Ben ouais, tout un jeu par contre, tout un jeu auquel là, quand ça finit là, j'ai tellement de choses qui se passent puis le C'est voyons, ça. j'ai juste Parce plot que en tête là. ça commence comme Le scénario est très tellement bizarre. réaliste. Oui. Ça Et c'est commence réaliste pour avec... ça je suis contente de pas en avoir parlé au dernier podcast. C'est Comment ça que je ça? me disais. Parce que j'avais pas fini le jeu puis j'étais pas encore rentrée dans le weird. Fait que la dernière fois que j'en avais parlé, je disais, oh, j'ai commencé à jouer à ça. J'étais comme encore genre mais c'est vraiment un bon jeu, l'histoire est vraiment intéressante, puis j'ai vraiment hâte de voir la suite, tu sais. Quand le jeu a fini, j'avais juste le goût de flipper mon bureau là. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Ça se peut-tu? J'avais juste le goût d'en parler avec plein de monde là. J'allais voir des théories sur Internet, puis j'allais lire parce que quand c'est fini, genre j'avais besoin d'avoir un peu de fermer la boucle plus que ça là, parce que ah, Est-ce que ça t'a aidé à c'est fermer bizarre. la boucle plus que ça? En fait. Quand j'ai eu fini, la soirée était comme pas finie. Fait que j'ai joué à Proteus. J'avais pas joué encore, puis je l'avais downloadé. Fait que j'ai joué à Proteus. Oh, c'est pas David Cage là, ça. Non, mais je me suis dit, ça va peut-être même calmer les nerfs. Puis effectivement, ça m'a calmé les nerfs. Après ça, j'étais plus zen. Mais je ressentais quand Hey. même le besoin d'en parler, puis d'aller lire des affaires sur Internet. Je me demande Mais si on sinon, part Proteus dans le temps de Noël, si ça, s'il y a de la neige. oh, il va en avoir un moment donné si tu continues à jouer. Il n'y a pas la neige à la fin? Il me semble que Je sais oui. pas. Y a-tu, Ouais, je mais me c'est comme suis. les saisons. C'est comme Ben, 4 ans. ça. Ah, c'est peut-être ça, oui. Je me souviens plus d'un bain de Proteus. Ben, t'es juste comme sur une île. Ouais. Puis Ben, les je me flambeaux souviens qui du s'allument. concept. Je me souviens d'avoir comme trouvé ça un peu plate. Ben, je me demandais un peu qu'est-ce qui se passe. Là, mais c'est un jeu d'exploration, c'est un jeu visuel, c'est un jeu. Genre, t'apprécies l'audiovisuel, puis c'est ça. Mais ça s'est terminé quand même rapidement, parce que j'ai fini par comprendre qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour progresser, que ça m'a pas dérangé. Ah, on peut faire de quoi pour que ça avance plus vite? Oui, puis j'ai eu la fin, j'ai eu les credits. Oh, ouais, non, Moi, ça c'est ça. j'ai eu la fin aussi, OK. mais je me Ben, souvenais pas que j'avais fait des actions pour la faire avancer plus vite. je sais pas, je cherchais vraiment, tu sais, comme un cercle avec des brillants, puis quand tu rentres dedans, là, le cercle se referme sur toi, puis tu changes de saison. Ouais. Tu te rappelles ça de ça? Fait que là, je Ouais. cherchais activement le cercle. Genre, c'est Ou juste ça. peut-être que le jeu, si tu trouves pas le cercle, il fait comme bon, ça fait 15 minutes, là, on va juste passer à la saison suivante. Ça se peut. Ça se peut si t'as Because vraiment t'es pas été bon. poche. Ça se peut. Maudit naf qui est poche en jeu vidéo. Mais c'est tellement relaxant. J'ai aimé ça pour ça. Ça a réussi à me calmer les nerfs après. Ça m'a pris 40 minutes, là, je le vois, là, pour faire Proteus. Là. Fait que c'est quand même raisonnable. Ça m'a pris 9 heures faire Fahrenheit, par exemple, mais je l'ai fait en deux shots. En une fin de Oh semaine. shit, t'es Ouais. courageuse. Je me suis tapé tout Fahrenheit. Mais c'est pour ça, tu sais, la première shot, j'étais comme, wow, c'est vraiment cool, tu sais, parce que j'avais pas encore eu toute la bullshit dans l'histoire. Quand le jeu finit, j'avais plus pas en tout la même opinion. Mais j'en avais entendu parler que l'histoire était vraiment étrange, mais quand ça fait 6 heures que t'es dans le jeu, je pensais que ce qui était étrange, je devais déjà l'avoir vu, tu sais. Je C'est comme pensais pas un... que ça planterait vraiment de même comme dans la dernière heure. C'est comme un épisode de X-Files. Ça finit, puis là tu fais, ben là, ça explique rien. J'ai jamais écouté X-Files, mais en tout cas, ça explique vraiment rien. Ah, oh, mon Dieu, X-Files, c'est toujours la même affaire. C'est genre, il se passe quelque chose de mystérieux et quelqu'un meurt dans des circonstances tragiques. Mulder et Scully débarquent sur les lieux. Ils font leur enquête. Mulder pense que c'est des extraterrestres. Scully est comme, calme-toi, Mulder, c'est sûr que c'est pas ça. Ils font une enquête. Pendant 20 minutes, ils se promènent dans le noir avec des flashlights puis leurs guns. Puis là, puis tu vois juste des gros plans de leur face, fait que t'as peur pour eux autres parce que tu vois pas où est-ce qu'ils sont. Ça dure 20 minutes. À la fin, ils découvrent un élément clé de l'enquête, puis là, Scully fait comme « Ah, nous avons élucidé pourquoi qu'il est mort, c'est à cause de telle affaire. » Mais ça explique pas vraiment tout, puis ça explique pas pourquoi qu'il est pogné en feu mystérieusement. Puis là, c'est fini! Mais tu dis extraterrestre, mais je pense que c'est bien la seule affaire qui est pas dans Fahrenheit. Ben, C'est extraterrestre ou des trucs weird, de la je magie, pense parce des... qu'il y a tout ce qu'il y a fait aucun sens, mais il n'y a pas l'extraterrestre. Puis je me demande si tu en rajouterais, ça se mettrait-tu à faire du sens? C'est une option à creuser. Ouais. Parce que là, les Mayas, là, pour vrai, là, les Mayas, la Matrice, puis les cyborgs. Quand ils ont mis les cyborgs, là, oui, quand ils ont mis l'intelligence artificielle là-dedans, là, je suis comme, non, ça c'est juste trop. Oh mon Dieu, C'est je me juste suis. trop. Moi, je me suis. La vieille madame devient l'intelligence artificielle. Ah ouais. Je l'ai Ouais. peut-être. C'est peut-être que je Elle l'ai pas t'aidait vu, juste hein. parce qu'elle aussi, elle voulait le Indigo Child. Tu penses-tu que tu l'aurais pas vu? Peut-être. Ah, peut-être. Peut-être. Ouais. Moi, comme je t'ai dit, je me souviens pas tant de ça. Je me souviens qu'il y avait un dude un peu funky, puis là, t'es dans son appart au début, là, puis ça, c'était cool. Genre, le dude un peu funky, il marche funky, tu sais, quand il marche, il est Il est comme. funky, tu trouves? Moi, je trouve qu'il a l'air de l'être humain le plus plat de la planète. Non, Et le la preuve, black. le quoi? Le noir. Oh, le. Oui, lui! Oh, ok, oui. Ouais. Oui. Sa face d'eau. Ben, sa face, je sais pas. Parce que Elle moi, j'ai joué ressemble pas, la je suis vieille pas mal. version, fait que la vieille version Non, elle était est pas pareille, la bien nouvelle version. ajoutée, hein? La nouvelle version est pareille. Il n'y a presque rien de changé. Ah. C'est la résolution qui changeait, apparemment. Les textures Mais sont genre justement, pareilles. moi c'était une face LED, mais et pixelisée, mais Ouais. étirée, donc floue. Là, Ouais. toi, t'as la version ultra sharp que c'est LED et pixelisée. Genre. Sais pas. Mais Ça fait que fait moi des je me souviens cauchemars, du sa dude face. funky là Ouais, elle est cool. t'es dans son appart, puis là tu vois son appart, puis c'est cool. Puis là je pense que tu vois l'appart de sa partner. Non, il est avec. Non. Ah, oh, sa partner de. Oui, la De détective. police, pas sa Ouais, sa partner de blonde. police. Ouais. C'est ça. Fait que tu sais c'est comme moi je trouvais ça cool juste de comme tu sais j'avais Mais de l'impression les d'être incarner, eux autres. dans une Ouais, vraie c'est ça. maison là genre. Ouais. Puis je trouvais ça Ouais, c'est cool. drôle. C'est dans trois, quatre appartements, je pense. Puis c'est tout comme des appartements assez réalistes avec toutes les pièces. Puis tout. C'est ça. Puis moi, Ouais. c'est ça que j'aimais le plus de ce jeu-là. C'est comme quand. Ça me rappelle quand je jouais Shenmue. Qu'est-ce que je faisais? J'ouvrais les tiroirs, puis je regardais. J'étais comme, ah, Moi aussi. l'appartement japonais, c'est malade. C'est genre. Puis C'est vrai. dans le fond, je devrais juste jouer à Gone Home. Ah, oh, ouais, mais ça, c'est pas un appart, c'est une grosse maison de campagne, là. C'est OK, immense, cette mais même maison-là. affaire, là. C'est tu découvres. Cool. Une vraie chose, ça a l'air Ouais. réaliste. Plutôt que d'habitude, les jeux vidéo, c'est comme il va y avoir un lit, une table, puis une bibliothèque avec des livres que les titres sont pixelisés, fait que tu vois rien. Puis là, Oh puis une mon Dieu, télé. la bibliothèque. Je sais pas si c'est le bout de la bibliothèque dans Fahrenheit, là. Il y a un bout avec la bibliothèque. Ouais, il va chercher l'information sur un livre. Je me Puis il y a un souviens. vieux chinois vraiment trop stéréotypé dans une immense bibliothèque. Ah C'est juste des oui. murs et des murs et des murs de livres. C'est juste ça. Oui. Ça aurait tellement plus. Puis là, il te demande d'en trouver un livre dans tout ça. Mais t'es Ah comme, oui, c'est con. non! C'est vraiment niaiseux. Avec le vieux chinois. Mais oui, Non. mais sa voix pis tout, il pourrait pas être plus. Moi, je me souvenais du C'est bout super qu'il drôle. joue la guette chez lui Il y tout a un twist seul. avec. Seul? Il y a T'as joué la Money. guette chez vous tout seul? Ben, il me semble. Moi, j'ai joué avec sa chicks, là. Chicks, Ah, peut-être. Il y la a chick peut-être sur une ouais. fille. Mais genre, je me souviens que. Tu sais, je me souviens des affaires comme réalistes. Genre, tu sais, Ouais. il ouvrait la fenêtre, puis là, j'étais comme. Ah, je sens comme vraiment qu'il a ouvert la fenêtre. Genre, Le je sens bruit qu'il fait frette, rentre. parce que le Ouais. bruit, puis le vent rentre. Puis là, Ouais. j'étais comme. Oh, j'ai froid, je vais fermer la fenêtre. Quand tu fermes la fenêtre, le bruit coupe. Puis là, ça fait vraiment genre ouf. OK. J'ai Ça fait fermé la fenêtre, puis là, j'ai oui. moins froid. Ouais, Genre, c'est un c'est jeu vrai qui. que c'est Moi, cool. je me souviens juste que ça me donnait froid. Ah, c'est bien drôle. Moi, j'ai tellement pas tant Pas ressenti ça, je trouve. tout, pas Parce que tout. je voyais pas l'intérêt. Tu sais, tout le long, ça s'appelle Fahrenheit. Le fait que ça se refroidit va avoir un intérêt capital dans le scénario. Puis vraiment pas. Fait que tout le long, j'ai juste comme cherché c'est quoi l'intérêt du fait que ça se refroidit, puis il y en a comme pas. C'est comme Je si ça aurait suis été plus déçue. cool. Ça aurait été quasiment plus cool que dans le scénario, ça soit juste les personnages qui interagissent entre eux, puis qui n'expliquent rien. Ça aurait été probablement mieux qu'ils n'expliquent pas pourquoi il fait frette. C'est juste, il fait frette. Ça arrive, et là, tout le monde sont comme, oh man, il fait vraiment frette. Puis là, Ouais, genre, les mais tu sais, il faut personnages pas juste frette, interagissent. là. Le monde commence à mourir, là. Oui, il fait très, très frette. C'est fin du monde frette. Mais ouais, mais c'est. Puis je me souviens plus. Moi, je me souviens même plus comment que ça avait fini mon affaire. Je pense Mais que c'est ça. parce que c'est tellement pas satisfaisant quand ça finit, parce qu'il explique rien. Il Mais c'est. explique rien. Puis t'as Ouais. l'enfant qui prophète, qui te murmure de quoi à l'oreille, puis tu sauras jamais c'est quoi. Tu sais, il y a des affaires qui sont mystérieuses juste pour l'intérêt d'être mystérieux, là. C'est un tease, David Cage. Mais c'est sûr, mais je trouve ça poche. Ouais. Et non seulement ça, mais le rythme du jeu, j'ai vraiment pas. Tu sais, tout le début où c'est réaliste, c'est correct, c'est super le fun, mais quand ça commence à déraper et à devenir surnaturel, ça se termine extrêmement vite et explique rien. Puis là-dedans, ce qui m'a vraiment dérangé, moi, c'est la relation amoureuse entre les deux personnages principaux, là, la détective de police puis le personnage principal qui est le dude Le fucky, dude là. Ouais. Parce que leur relation amoureuse déboule, là, genre, en 2 secondes, paf, ils couchent ensemble. Puis ils se connaissaient pas, mais tu sais, elle a couru après parce que c'est un meurtrier. Puis là, paf, en amour, on couche ensemble parce que c'est la fin du monde. Puis le jeu finit. Mais comme, il n'y a pas assez de. Moi, ça m'écœure, là. weird. Genre. Voir que t'es une détective du NYPD. Genre, ça fait des semaines que t'essayes de trouver ce gars-là puis de le coincer. Puis là, tu le trouves. Tu réalises que, genre, il y a de la shit surnaturelle qui se passe puis que c'est l'apocalypse. Fait que couchons donc ensemble. Ça me fait chier. Tu sais, je le Ouais. trouvais cool comme personnage. Je trouvais que c'est une femme forte et indépendante. Puis là, c'est rendu l'objet sexuel en claquant des doigts, genre c'est tellement rapide. Puis ça m'écœure parce que je Ouais. trouve que c'est injustifié comme. Je pense que moi, j'avais pas couché avec. Ouais, t'as le choix là, t'as Ils le choix de pas coucher avec. Mais se faisaient des câlins, puis là, j'étais comme, what the oui, c'est fuck? ça, il y a de l'affinité avec là, Genre, même si qui se tu fasse un choisis pas câlin là. pour se réchauffer, fine. Puis là, c'était comme une impulsion pour aller plus loin. Il me semble que j'avais fait comme non. En tout cas, ça aurait été mon genre de faire non. Ben, c'est correct aussi, là, Mais mais David comme. Cage, c'est un petit gars, là. Ben, oh. Puis je, Mais mais je je suis tellement veux contente pas. d'avoir une fille forte et indépendante. Et je dis pas ça pour l'excuser. Je dis juste ça que Voilà, ben oui. c'est un petit gars, puis c'est ça qu'il fait, puis c'est Mais ça fait poche. hollywoodien. C'est pour ça qu'il y a plein d'affaires qui m'écœurent. C'est ça. Ben, c'est ça. Puis C'est je trouve que ça poche. fait super film hollywoodien. Parce que ça paraît que c'est ça son inspiration. Parce que, tu sais, les combats qui ont pas d'allure, puis que t'as l'impression qu'il y a des super pouvoirs pour le fun d'avoir des super pouvoirs, puis de faire des combats cool, c'est un film hollywoodien. Il couche avec la fille beaucoup trop vite, c'est un film hollywoodien. Il y a Ouais. l'apocalypse, puis des Mayas, c'est un film hollywoodien. Des On va robots. rajouter des cyborgs, puis la Matrice, parce que c'est plus cool, film hollywoodien. Genre, tous les trucs qui fitent pas. Tu Ben c'est sais, on laisse des sorti. mystères à la fin, puis le film finit. Ben Ça fait pas. c'est sorti dans le temps. Il y avait qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la The Matrix venait de sortir, ça faisait pas Ah si là, longtemps. l'inspiration là, est Le c'est quoi? immanquable. C'est Lost qui était à TV. Ah ouais? Puis 24. Ouais, c'est ça. C'était Ben, tout ça vraiment, là. tout le monde, ils disent là, ouais, la Matrice pis 24, c'est vraiment des grosses, grosses inspirations. Puis Lost, c'était la même chose, il expliquait jamais rien. C'est vrai. C'était Ah, c'est genre, vrai. on rajoute plein de suspense, on fait, ah, oh, il va dire quelque chose dans l'oreille, ah, oh, c'est quoi qu'il a dit? On le saura On saura jamais. jamais, C'est c'est super juste, pas correct. c'est du suspense juste pour mettre du suspense. Ouais. C'est du Lemony Snicket. Ah oui, je sais pas. Lemony Snicket est un gars qui fait des livres pour Oui, enfants. Puis... je sais, mais il fait du suspense pour du suspense. Ah mon Dieu, c'est le master des masters du suspense. C'est le tease ultime. C'est comme, est-ce que Lemony Snicket, veux-tu bien te calmer? Non. Fait qu'au final, tu lis ça parce que t'aimes te torturer l'esprit Ouais, c'est ça. mentalement. Mais j'ai hâte quand même au prochain jeu de David Cage parce que le C'est trailer quoi son sorti au dernier prochain, là? E3, c'est Detroit Become Human. Ça a tellement l'air bon. Mais tu sais, c'est ça encore là, c'est la prémisse qui a de la rigueur. C'est peut-être qu'après ça va être Hey, complètement de la bullshit, il mais. aime ça les cyborgs. Ouais, C'est mais un là, petit c'est gars. ça, c'est des androïdes. C'est un petit gars. Il aime ça les robots, puis la Ouais. matrice, puis les scènes d'action, puis les filles Ouais. faciles. Mais. C'est parce qu'il a tellement bien bâti. Mais c'est ça qui. Je suis triste parce Les qu'il a tellement scènes de bien filles tout bâti nues tout le dans la reste. douche. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Mais, oh mon Dieu! Les scènes de sexe dans Fahrenheit. T'es as-tu toutes manquées? T'en as-tu fait une? Probablement tout manqué, oui. Parce Oh que c'est mon vraiment pas mon Dieu! genre. QTE to trust. Ah! Je me sentais sale! Je me sentais sale à jouer à ça. Mon copain, il gamait à côté, puis j'espérais qu'il regarderait pas mon écran pendant que je faisais ça, parce que je me Ben, tu sentais vois, sale, puis je suis là, c'est... faut que je fasse... Ben, c'est ça, c'est là que tu vois que c'est le petit gars, hein. Fallait que je fasse un mouvement pour qu'il fonce. Ah! C'est... Non, mais c'est parce que c'était l'époque, là, c'était comme... Ah, oh, ça va être un jeu adulte. Ben oui, c'est ça. Fait qu'on va mettre du cul à un moment donné, puis c'est toi qui C'est le un fais. jeu, c'est sérieux, là. Les jeux, c'est pas pour les enfants, c'est un jeu sérieux d'adulte. Fait qu'on va Oui, c'est ça. mettre une C'est scène un film sérieux d'adulte. on va faire mettre du sexe. Puis effectivement, tu viens de me faire rappeler que ce jeu-là, quand il était sorti, Fahrenheit, la version européenne qui s'appelait Fahrenheit, n'est jamais sortie aux États-Unis. Ils ont sorti ça sous le nom Indigo Prophecy, avec toutes ces scènes-là censurées en grande partie. Ah ouais, Ouais. il y en avait plus. Il y en Mon avait. Dieu. Non, non, non. Là, ce qu'ils ont probablement sorti. Parce que moi, ce que j'ai joué, c'est Indigo Prophecy, qui Ben était moi j'ai le la version remaster. PC. Mais la version remaster, je serais pas surpris que ce soit la version non censurée. Puis honnêtement, quand j'ai. Tu Ah mais sais, au c'est début, ça me pas faisait propre. chier. C'était comme, ah, oh, c'est dommage. Là, tu sais, les jeux vidéo, on est sérieux. Puis à cause de Oh Walmart, non, non, non. on est obligé de censurer les jeux. Fait que, tu sais, ça me dérangeait. Mais quand j'ai vu c'était quoi, je fais, ah, oh, ben, j'ai rien manqué. Hein. Non, non, non, non, non, non. Ben, ouais, maintenant que tu dis que c'est pour faire sérieux, là, il y a beaucoup de moments où t'as vraiment l'impression où David Cage est quelqu'un qui veut incroyablement se faire prendre au sérieux. Parce que Mais le policier. qu'il n'a pas l'affaire! Non! Mais le policier Groovy arrête pas de faire des jokes de jeux vidéo. Ah Genre, oui? ouais. Parce que c'est un Genre, gamer. what is the fucking video game? Ou, tu sais, genre, il y a une madame qui vient pour identifier le meurtrier, je sais pas trop, puis là, il dit, genre, le logiciel de fabrication de portraits robots, c'est un peu comme un jeu vidéo. T'as-tu déjà essayé ça, des jeux vidéo? Puis la madame est comme, non. Puis tu sais, ça finit qu'il dit, en tout cas, tu devrais, en fin de semaine, là, va te louer un bon jeu vidéo. Mais il nomme pas Le de gars, il essaie suite. trop, là! Il pousse trop, là! Arrête, là! Arrête de pousser. Peut-être qu'il aime ça beaucoup les jeux vidéo. Non, mais ça a l'air de quelqu'un qui se dit, oh, moi, j'aurais pu faire des films, mais j'ai choisi comme médium le jeu vidéo. Quand je crois que ça rend mieux les émotions que je veux faire vivre aux gens. C'est sûr que c'est ça, là. C'est sûr que c'est ça. Parce qu'en plus, la policière est claustrophobe. Rappelle-tu de ça? Faut ta face respirer. Qui essaie tellement de te faire ressentir l'émotion du personnage. Qui te fait inspirer, expirer, inspirer, expirer pour la maintenir, genre, Ah dans cette oui, genre il y a jauge. un bout, c'est-tu le bout qu'il faut qu'elle aille dans l'asile, puis là il y a une Il y a deux tannée. bouts. Il y a deux bouts. Il y a celui qu'il faut aller chercher de quoi dans les archives, puis c'est super coincé, genre. Ouais, mais il n'y a Puis il y a le bout rien. qu'il faut sauver. Ouais, il y a rien. Il y a le bout qu'il faut sauver de l'asile, puis là, il y a réellement du monde, puis t'es vois pas arriver, là. Ah, ça me faisait vraiment peur, ces bouts-là. Ouais, ben c'est pas cool, parce que t'es vois pas t'arriver, fait que là, des fois, t'es juste comme game over, puis tu te dis, mais il était où? T'es où le double? En tout cas. Cause la David Cage. caméra. David Cage, il a rien fait avant. Pour vrai? Ben, Fahrenheit est sorti en 2005. Après ça, Comment il y qu'il a fait eu pour avoir Heavy le Rain, funding pour faire blablabla. ça? Mais la seule chose qu'il y a avant, c'est Omnicron de Nomad Soul en 1999. Et là, Hi. qu'est-ce que c'est cette chose-là? C'est un fighting game? Ah ouais. Adventure Video Game by Quantic Dream. Oh, c'était son studio quand même. Ben, pas Ouais, c'est quand son même son studio, mais studio, hein. c'était le studio avec lui. Published by Eidos sur Windows et Dreamcast. Adventure game that combines the mechanic of distinct game genres such as adventure game, first-person shooter, fighting game, puzzle game. OK. C'est une Ok. affaire weird. C'est Ouais, c'est une ça. Encore affaire de là. David Cage. Encore là, il essaie de mâcher toutes les affaires ça. Pourquoi il y a David Bowie sur la page? Soundtrack. Developer David Cage originally had a composer wish list that included Bjork, Massive Attack, Archive and David Bowie. Ah ouais. C'est vrai qu'il y avait des tunes pas pires dans le jeu. What? Attends. Jeu de la guitare. Contrary to Cage's expectations, Bowie responded immediately and also wanted to inhabit the virtual space. Oh. Ils l'ont mis dans le jeu. Oh. Ça a l'air que oui. Ah, ça, c'est, ça me fait penser. Ça, c'est comme quand Michael Jackson était dans les jeux de Mizuguchi, Tetsuya Mizuguchi. Les jeux de Q Entertainment, puis genre... comment ça s'appelait? Voyons. Space Channel 5. Michael Jackson était dans Space Channel 5. Ah, oui. Parce qu'il y avait comme un deal avec Sega, puis une affaire, puis... Il a fait un peu de tune pour Sonic, puis là, à un moment donné, il y avait un intérêt pour ce que Sega faisait, puis ce que les weird japonais faisaient. Puis là, à un moment donné, le plus son producer à Mizuguchi, il dit « Ah ouais, j'ai Michael on the phone, il voudrait faire quelque chose dans un jeu vidéo avec nous. » Puis il était comme... Il trouvait ça cool, Space Channel 5, il aimerait ça faire de quoi dedans. Puis il était comme « Michael... » Genre, quel Michael? Michael Jackson? Genre, what the fuck? Et c'est pour ça que Michael Jackson est là dans le jeu sous le nom de Space Michael. C'est donc bien drôle. Ah ben là, va falloir que je joue à ça, moi, Omnicron de Nomad Soul. Ben, moi j'aimerais vraiment ça jouer à Heavy Rain et Beyond Two Souls, mais c'est pas disponible sur PC. C'est juste sur PS3 puis PS3. Ouais, PS3. Là. Heavy Rain, peut-être PS2? Mais Heavy Rain, si tu veux jouer, va jouer sur YouTube. Ouais, genre le voir sur YouTube, tu veux dire? Ben, parce que, genre, quand le jeu était sorti, c'était ça un peu la joke. PS3. C'est qu'il y avait quelqu'un qui avait juste enregistré toutes les séquences différentes. Ah ouais? Puis sur YouTube, ils te font des branches. Fait que là, tu peux faire les choix réellement. Mais non, t'es sérieux? Ben oui. Puis là, ça t'amène sur les vidéos. Puis là, ça t'amène dans le chemin. Puis là, tu peux jouer à Heavy Rain de même. Oh my god, mais je veux genre vraiment faire ça, je pense. j'ai trouvé ça rough, les branches dans Fahrenheit. C'est dans les discussions, le temps que t'as pour faire un choix est extrêmement rapide. Des fois, j'avais même pas le temps de lire les 4 options, puis que je suis là, ok, j'ai plus de temps, faut que je fasse un choix. C'est comme dans la vraie vie. Ouais, je suis pas sûre, non. Puis aussi, quand tu poses des questions, quand tu poses des questions à un autre personnage, souvent, t'as 4 options, mais contrairement à tous les jeux où, genre, mettons que t'as 4 phrases que tu peux y poser, tu vas toutes les passer, tu sais. Donc là, t'en poses 2, puis là, le personnage, il dit, bon, ok, next, on fait d'autres choses. Fait que là, t'as pas le temps de poser toutes tes questions. Fait que là, t'as la moitié des explications. Ouais. Fait que là, t'es encore plus perdu dans son modus de jeu qui fait aucun sens. Faut que tu poses des questions pertinentes, Anne-Marie, là. C'est genre, qu'est-ce que tu veux vraiment savoir? Mais ça, par contre, dans les jeux de Telltale, Wolf, il faisait, ouais. Ben, ah, non, oui. Mais il y avait du temps, mais il t'empêchait-tu de poser toutes les questions que tu voulais poser? Oh oui. Mais ça, je trouve ça terrible parce que c'est de l'exposition. C'est... Oui, mais dans la vraie vie, t'as pas toutes les informations. Puis, ben, dans Wolf, je pense qu'il finissait par te donner l'information autrement. Oui, j'ai pas remarqué, puis c'est comme le seul que j'ai joué. Oui, il disait que c'était pas important. Mais, genre, si t'aimes pas ça, je joue pas à Kentucky Route Zero parce que c'est que ça. Ah non. Kentucky Route Zero. Mais oui, mais c'est pas important. C'est ça la différence. Ouais, c'est que Kentucky Route Zero, c'est. Tu sais, quelqu'un te demande comment que. Genre, qu'est-ce que tu faisais de bon en fin de semaine, puis là, tu fais un choix, puis ça devient la vérité, genre. Ah, mais ça, c'est cool! Ça, c'est cool, ça, j'aime ça. Ou. Parce que tu te fais pas cacher une vérité par le jeu. Ou il te pose une question, puis là, tu lis les 4 réponses, parce qu'il te pose la question à toi, fait que toi, tu vois les 4 réponses. Fait que tu as les... Genre, comment dire, c'est pas 4 affaires opposées, c'est comme 4 vérité par rapport à ton personnage. Puis là, tu vas choisir d'en dire une de ces 4-là, mais les autres sont quand même vrais et ben, t'es olu, fait que tu les as lus, donc tu le sais. Mais tu sais, dans Kentucky Route Zero, il n'y a jamais rien de comme important. Il n'y a pas de mystère à élucider, puis il n'y a pas de. C'est juste comme, ben, tu le sais. Ça, c'est, okay. C'est quasiment plus comme du background story que du... Ben, c'est genre, c'est en apprendre plus sur ton personnage, genre. Mm-hmm. Et j'ai essayé de faire ça dans Dreaming of a Blue Christmas. Ah ouais? Un petit peu. Bon. Cool, ça. Fait qu'on a parlé de pas mal d'affaires. Ah, dans le même genre. J'ai finalement jamais parlé de Firewatch. Je pense. Ah non, c'est vrai. Parce que c'est j'ai, vrai. Joué, j'ai joué à Firewatch, puis je n'ai jamais parlé. Puis je trouve que ça. Je trouve que ça fait une bonne suite par rapport à Fahrenheit. Ouais. Parce que tu sais, David. Parce que David Cage qui dit que ça te prend plus de pixels pour avoir des émotions. Hey, dans Firewatch, il y a des arbres, puis c'est pas mal tout. T'as des émotions pareilles. Ah, t'en as des émotions. Puis les. Non, je pense qu'on voit trois personnages qu'on voit, puis sont toujours soit en silhouette, en contre-jour, puis loin. Ou sont vraiment loin puis t'es vois pas vraiment puis ils vont se cacher après. Fait que tu ne vois jamais personne. Puis okay. Je pense que ça c'était un choix de un peu de restriction technique mais aussi de genre c'est comme ça que ça se passe. C'est parce que si tu le mets de proche là faut t'as tout un paquet d'interactions possibles que le joueur peut faire. T'sais, il pourrait foncer dans le bonhomme pour aucune raison. Tu sais, dans Bioshock, ils faisaient ça, là. T'as-tu joué à Bioshock 1? Oui. Tu sais, toutes les scènes, tous les personnages étaient toujours derrière une vitre. Tout le temps. Ils sont tout le temps soit derrière une vitre ou t'es au deuxième étage puis tu vois le premier étage, mais tu peux non, pas mais comme sauter en bas. C'est pour pas que t'es dessus, c'est pour pas que t'interagisses avec, c'est pour... Ouais. Mais ça fait du sens parce que sinon, il serait obligé de faire, mettons, t'arrives pour le tuer, puis il serait obligé de faire une espèce d'animation de haha, j'ai évité ton coup. Tu sais, il y en a qui gèrent ça comme ça, puis c'est un peu poche. Ça, ou juste comme ça tire, puis ça passe au travers, ou ça fait rien. Ouais. Ah, je comprends. Mais c'est bien plus réaliste de même, dans le fond. Ouais. Fait que Firewatch, c'est un choix qu'il faisait. Ah, bref. Cool. La petite intro sur le jeu. C'était un gardien de forêt dans les années 70? Non, ah, plus, ouais. 80-90. Je savais pas que ça se passait pas dans notre temps. Ça se passe pas, mais non, c'est même... Écoute, non, ils ont des walkie-talkies. Fait que des walkie-talkies, ouais. C'est quelle année? Je sais pas. Mais c'est à peu près la seule affaire la plus technologique qu'ils ont. Là. OK. Puis tu regardes les feux, puis c'est plate. Mais il se passe des affaires, fait que... Mais oui, mais les walkie-talkies, c'est ça, c'est là l'interaction que t'as avec les gens. Oui, c'est ça. T'as une personne, c'est ta boss qui te parle. Elle est dans une autre tour. OK. Et elle te parle, et tu ne la vois jamais. Et c'est cool. Puis là, il y a comme un... T'sais, lui, il reste là, il travaille là tout un été, mais évidemment, le jeu fait des ellipses. C'est-à-dire okay. que tu joues jour 1, jour 2, après ça, tu vas jouer jour 7, après ça, peut-être jour 14, jour 37, puis ainsi de suite. Là. Puis il y a des coupes assez... pas brutal, mais ça coupe pour passer au chapitre suivant, puis ainsi de suite. OK. Puis il y a un mystère, un petit mystère qui grossit quand même pas mal. Puis il y a des bouts, moi j'avais peur. Ouais. Même si, en tout cas, je vais pas trop en dire, mais ouais, c'est surprenant parce que, genre, eux autres, leur intention, parce que j'ai parlé à un des designers qui est venu au MIGS, puis j'ai jasé un peu avec, puis j'ai écouté sa conférence. Puis, eux autres, leur objectif, là, c'était est-ce qu'on est capable de faire un jeu sans, t'sais, très très réaliste, où les interactions avec le joueur vont tout le temps marcher, les dialogues vont tout le temps marcher, puis que t'as pas l'impression que c'est un jeu vidéo qui se répète tout le temps, genre. Ouais, ok. Tu fais C'est pas comme. casser ton immersion, c'est Tu ça? sais, comme, tu sais, ce que tu disais tantôt, là, ah ben là, je peux poser toutes les mêmes questions. Je peux poser toutes mes questions dans ma liste, puis Ouais, d'habitude, le jeu va là, me ouais. laisser les poser toutes. Mais dans la Tu les vraie vie, reposes, pis si la oups, tu personne, reposes. ça lui tente plus de te parler, c'est poche. Ou, tu sais, ça a dû déjà t'arriver. Tu sais, le jeu te donne la liste de questions dans un certain ordre, puis c'est comme pour te dire, il faut que tu les poses dans cet ordre-là. Parce que si tu te mets à se passer, à changer l'ordre des questions, c'est comme si le mood de la conversation marchait plus. Ouais. Ben, dans Firewatch, c'est ça qu'ils disent, c'est qu'ils disent, nous, on a enregistré toutes les conversations plusieurs fois selon dans quel ordre que tu le dis. OK. Pour que ça soit tout le temps réaliste et crédible. Que tout le temps, l'intonation des deux acteurs, c'est-à-dire ton personnage puis la fille dans sa tour, tout le temps, on spot. Wow. Puis, moi, le jeu, au final, je jouais au jeu, puis j'étais comme, ben, c'est correct. Je trouve ça un peu. Tu sais, il y a des choix dans le scénario que j'ai trouvé un peu bizarre. La fin m'a laissé un peu comme, ouais, pourquoi? Mais c'est. Puis au final, j'étais comme, ben, c'était pas si impressionnant que ça, finalement, comme jeu. Mais c'est quand tu. Écoute, parce que quand tu finis le jeu, tu peux activer le mode Making of, où là, il te. Pas qu'il te refait jouer le jeu, ben oui, mais il t'amène, puis il y a des espèces de stations de où ce que tu peux écouter les devs parler de certains éléments Ah, du mais c'est jeu. comme voyons, 30 Flights of Loving. Yep, ouais. Ah. À part que là, c'est en audio, mais ouais. Il y en a aussi dans Portal 1 puis 2. C'est toujours très cool, ça. Et là, fait que t'as les devs qui parlent. Puis, fait que j'ai écouté ça, j'ai écouté sa conférence. Puis c'est là que tu fais comme, wait a minute, là. En fait, c'est fucking impressionnant, ce jeu-là, justement à cause de ça. Parce que ça marche tout le Ça temps. marche tout le temps, ouais, c'est fou ça. T'as pas juste été le queue, là. Tu pourrais l'écouter comme un film, puis ça marcherait. Puis, genre, ils ont pensé. Puis, c'est ça qu'ils disaient. C'est qu'ils disaient, c'était un travail de fou pour avoir toutes les lignes de dialogue en triple, puis en quadruple, juste pour l'ordre où des fois, c'est comme, OK, là, il faut absolument que le joueur entende telle ligne de dialogue. Comment on fait pour un peu le forcer? Puis, ils ont toujours utilisé des affaires clever pour te faire dire des affaires où elle qui te parle. Mais il dit, il y a des moments où c'est vraiment difficile parce que si c'est quelque chose que toi, tu vois, elle peut pas t'en parler tant que tu lui as pas dit. Ah, ouais, ok, ouais, ben oui. Parce que elle sait pas que tu as vu Elle whatever veut pas savoir, affaire ou. Fait, si tu lui dis pas, elle peut pas jamais t'en parler. Mais là. si tu y en parles, là, après ça, elle peut le mentionner dans les dialogues. Fait que t'imagines-tu comment que ça doit brancher les Ouais, faut possibilités de s'assurer que... dialogue? Puis il dit, il y a des moments où il dit, on a trouvé rien. Fait qu'à un moment donné, ton bonhomme, il fait juste comme le dire. Oh, by the Il fait, parce que normalement, c'est toi qui. Tu pèses sur un bouton, puis là, ça t'affiche comme les choses. C'est soit que tu regardes quelque chose, puis là, tu dis, tu sais, ça te dit, tu as le bouton pour faire report, Ah, whatever, ce que tu es en train de regarder. Fait que c'est genre, ok. report un sac à dos, report la bouteille de gin qui traîne à terre, report une paire de sous-vêtements accrochés dans un arbre. C'était vraiment un garde forêt, genre. Oui. Puis là, tu sais, comme, ah. Puis là, ils font des commentaires genre, ah, c'est que les gens, ils se traînent, laissent traîner n'importe quoi, ça n'a pas d'allure, là, faut que tu ailles les avertir, là, trouve-les, puis va les avertir. Puis Puis, là, mais. ils sont-tu vraiment là? Ah ouais, tu trouves des gens, Ok. puis c'est là l'histoire du jeu. Ah. Mais, en tout cas, il y a beaucoup de choses intéressantes. J'ai juste trouvé que. toute cette partie-là, l'interaction des personnages, c'était cool, mais tous les autres personnages, moi, je suis comme, étant donné que ce que je trouvais dommage, c'est qu'étant donné qu'on les voit jamais, tu sais, comme, on mentionne des personnages, mais tu sais, toi, tu le vois jamais, tu sais pas vraiment c'est qui. Tu sais, comme, OK, elle était attachée avec tel petit gars, mais genre, moi, je m'en fous un peu. Fait que quand après ça, il arrive d'autres affaires, je suis comme, OK, mais bof. Okay. T'as pas d'attachement. Il y avait des. Puis il y a comme, vers la fin, il y a comme un personnage qui fait des trucs un peu weird. Dans le sens que j'ai comme, oh, il s'est tiré par les cheveux, là, pourquoi il aurait fait ça? C'est un peu dommage. Tu sais, moi, c'est drôle parce que ça me faisait penser à. Comment s'appelait le jeu que j'en ai parlé? C'était The Vanishing of Ethan Carter. Ouais. J'ai pas joué là, mais ouais. C'est deux jeux où tu te promènes dans le bois tout le temps, puis tu regardes des affaires. Bon, dans Ethan Carter, c'est beaucoup plus silencieux. Tu vas voir des espèces de souvenirs mystérieux comme des fantômes. Ah, c'est ça, faut que tu reproduises une scène de crime. Ouais, ça. Dans Firewatch, il y a constamment du dialogue, ce qui est super génial, parce que ça, ben, je dis constamment, après ça, si toi tu les rapportes jamais, les choses que tu vois, ben, ils vont pas se dire grand-chose. Mais, c'est toi qui décides! Pis tu sais, dans les deux cas, tu te promènes dans le bois. Mais, tu sais, niveau narratif, l'histoire de Ethan Carter m'a plus attrapé, parce que quand t'arrives à la fin, c'est comme une vraie révélation cool. Tu fais, oh shit, c'est fou. Alors que dans Firewatch, la révélation, c'est comme, oh, ok, bah, come on. Bon, C'est triste. on s'entend là, c'est pas David Cage puis Fahrenheit. Il y a Ouais. pas de Maya, il y a pas de. Y a pas de. Non, non, on est Pas dans le seulement de domaine du mauvaises choses. réaliste. C'est C'est pas juste. seulement des mauvaises choses. Ça m'a juste un petit peu déçu, mais tout le reste est tellement cool. Moi, je suis comme, cette fille-là dans sa Watchtower est vraiment nice. Puis genre, tu peux décider, à force de tes interactions, tu deviens comme ami avec, pour vrai, là. Puis j'étais comme C'est triste cool à la ça. fin, comme j'étais comme, ah, oh, c'est comme si j'avais eu un ami pendant tout mon été, puis là, voilà, je la verrais plus parce que blablabla. Fait que c'était cool. Ben, parce que le jeu est fini aussi, là. Oui, c'est ça. Non, mais je faisais un parce que je me dis, c'est tellement triste d'avoir une espèce de genre, un manque quand tu finis un jeu, là. Parce qu'il y a un personnage à qui tu parlais beaucoup puis tu peux plus y parler, là. Ça m'a juste fait penser à ça. Ah, ben J'étais ça, comme, c'est comme quand oh. j'avais joué à Tales from the Borderlands. Ah ouais? Ah, mais je vous avais raconté, là, sur le podcast, là, genre, j'avais fini le jeu, puis là, j'ai tellement eu le manque de perdre ces personnages-là que j'ai juste rejoué toutes les cinq jeux au complet dans la même fin de semaine. Ben, c'est pas bien long, là. C'est à peu près 5-6 heures. Non, ben non, c'est correct. Mais Quand je suis tu l'as déjà fait, ça va plus vite, là. Tu sais exactement quoi Oui, c'est cliquer pour que ça fasse avancer l'histoire. Puis tu vas moins cliquer sur tous les cossins ça. juste qui rajoutent du story, là. Ouais. Mais c'est Bon. cool Firewatch, là. Je veux Ouais. pas décourager personne de jouer juste Non, moi, je suis quand même intéressée. parce qu'il y a un personnage que j'ai pas trouvé vraiment attachant, là. T'sais, c'est un personnage secondaire, c'est pas super important. La relation que tu as avec ta boss, c'est vraiment nice. Il n'est pas assez baissant à mon goût sur la vente de Steam. Je suis Ouais, difficile. je pense que je l'avais acheté pas mal plein prix, moi, quand il était sorti. Parce que j'étais comme, c'est un jeu que je veux jouer. Je file pour jouer ça aujourd'hui. Je l'achète et je le joue. Ah, ben c'est bon, ça, c'est ce qu'il faut. Parce que moi, j'achète tout le temps des jeux en me disant je vais jouer un jour, puis finalement, tu sais, j'en ai 700, puis ils sont pas tous joués, là. T'sais, au final, c'est comme si au final, ça coûte moins cher d'acheter le jeu. Je dis, j'ai envie de jouer. Est-ce que j'ai envie de jouer à ça là maintenant? Oui, ben je l'achète, peu importe le prix. C'est une bonne façon de Plutôt que de choisir dire ça. genre, ah, oh, je. Parce que sinon, c'est comme, ah, oh, je suis obligé de jouer parce que je l'ai acheté. Ben, moi, j'essaie de toutes les essayer, au moins. Tout comme Ouais, à hier, j'ai longueur, passé à là. travers 4 jeux. Il y en a 3 que j'aurais pas joué plus que le petit temps que j'ai joué. Quoi t'as joué? Hier, ben dans le fond, ce qu'il y avait vraiment d'intéressant hier, mais que je vais pas continuer parce que moi, je trouve ça insupportable, mais je suis sûr que les critiques sont bonnes et tout. Ça s'appelle Paper Sorcerer. C'est comme un RPG, mais genre, c'est un RPG fait en Unity, mais vraiment old school, là. C'est comme un dungeon crawler, puis tu te promènes en first person, puis quand tu tombes sur un monstre, là, ça devient un combat en tour par tour, 2D statique. Mais Okay. ça s'appelle Paper Sorcerer parce que c'est comme dessiné un peu à la main. Ben, il y a toute une thématique avec un livre, là. Mais ça a l'air d'être comme dessiné sur du papier. C'est très monochrome. C'est vraiment comme du papier puis des lignes noires. Fait que c'est vraiment assez Et joli. rouge. Et rouge. Ben, c'est noir. Je regarde les screenshots, c'est noir, blanc et rouge. Il y a du rouge. Ah oui, ça se peut. Mais ouais, non, c'est vraiment bien. C'est parce que les combats, c'est vraiment old school. C'est des combats tour par tour. T'as jusqu'à 4 personnages dans ton groupe. Mais c'est long. Les monstres sont longs à tuer. Oh. Ouais, ça, je trouve ça trop dur, là. J'ai battu le premier niveau, le premier boss et tout. Puis, C'est ah, je trouvais beau. ça trop long. Mais oui, c'est beau. C'est bien, en fait, pour vrai. C'est réellement bien. Bon, pour les Mais, gens qui aiment les longs combats et ouais, les mais beaux qui jeux. aime le old school, peut-être. C'est peut-être parce que j'ai comme pas assez connu cette époque-là. Oh Puis ouais, j'étais habituée d'avoir tout, tout cuit dans le bec, là. ça C'est fait probablement vraiment ça. comment t'appelles ça, genre Earthbound Ah! Ben, Wizardry, peut-être un peu. Non, ben, C'est parce que c'est comme sûrement. un dungeon crawler en première Dragon personne. Quest! Ouais. Les vieux Dragon Quest! Il n'y a pas vraiment de rouge. Semblait aussi. Mais oui, c'est blanc et Mais c'est pas. beige, donc Ouais, c'est pas blanc, rouge. c'est ça, c'est comme du vieux Les barres papier. de vie sont rouges. Ouais, c'est ça. Le système de combat est bizarre, il y a comme de la défense qui baisse un peu, mais qui baisse plus vite que ta vie. Puis là, quand t'en as plus, là, ta vie, elle baisse plus vite. Ça, je trouvais ça, j'ai comme pas tant compris. Mais l'histoire a l'air super cool, c'est ça le problème, en fait. L'histoire a l'air comme vraiment intéressante, là. T'es un vilain, t'es un méchant, là. T'as été enfermé dans un livre parce que dans le fond, le roi du royaume, à chaque fois qu'il y a comme un gros méchant sorcier qui prend trop de place, il l'enferme dans un livre. Fait que là, t'es comme enfermé dans une autre dimension avec genre plein d'autres mondes méchants. Puis t'essayes de sortir. Fait que ça a l'air super intéressant. Puis tu sais, il y a des NPC, puis tu sais, j'ai quand C'est même comme peut-être trouvé des Myst. petites quêtes, puis des objets, puis ouais, genre. Les méchants enfermés dans des livres, c'est Myst. Mais c'est ça, Ah, je trouve tellement que ça a l'air le fun, pareil, mais le combat, là, insupportablement long. Juste pour tuer le boss, là, le premier boss du premier comme niveau, qui est peut-être genre quasiment un tutoriel, là, ça a dû me prendre 10 minutes, t'sais, de combat. Puis c'est que c'est pas vraiment stratégique, pas tant que ça, j'ai pas encore assez de Ah, skills ce pour que ce genre soit de super stratégique. combat-là. Oh ouais, tu sais, c'est du tour par tour, genre attaque, attaque, et attaque, attaque. Ouais, c'est ça. Je trouvais ça vraiment insupportable. Mais les critiques sont super bonnes. C'est Puis super tu joues joli. à Pokémon. Genre. Ouais, j'ai de la misère aussi. J'ai joué un peu au début, puis là, je suis pas rendu loin, puis j'ai pas beaucoup rejoué parce que. Oh, que j'ai de la misère à garder mon attention dans un jeu comme ça. C'est comme si c'était des jeux pour jouer dans l'autobus en regardant par la fenêtre. Puis tu C'est fais trop grinding, c'est ça. parce que tu en regardant par la fenêtre. Peut-être. Tu sais, les animations aussi sont longues dans Pokémon. Puis, tu sais, ça aussi, c'est le genre de jeu que tu choisis toutes les actions de tes personnages. Puis après ça, tu fais juste voir le résultat. T'sais. Donc là, c'est squelette, attaque, ghoul pour 2 dégâts. Sorcier, attaque, ghoul pour 2 dégâts. Oh mon Dieu! Ah oui, c'est ça, c'est full pénible. Mais ça a l'air full bon, pareil. Arr. Puis j'ai bien aimé, tu sais, c'est comme un dungeon crawler en first person, mais là, tu peux vraiment te déplacer en 3D puis explorer les pièces plutôt. Parce que c'est moderne, c'est fait en Unity. Fait que c'était vraiment chouette, quand même. J'aurais juste pas la patience de jouer. C'est comme un hommage parce que les vieux jeux faisaient ça, c'était de l'exploration first person avec des combats first person, mais c'était tout fake en 2D. Oui, mais c'est ça. C'est C'était comme un vraiment un hommage. labyrinthe en isométrique, là, puis là, Ouais. t'avançais là-dedans une case à la fois. Mais c'est un Kickstarter, puis c'est réellement un hommage. C'est cool. Puis, c'est drôle, le degré de difficulté, là, t'as Easy, Medium, Hard, 1980. 1980. Ben, parce que ces jeux-là, c'était dans les années 80. Ça doit être super dégueulassement dur, je présume. Je sais pas, c'est ça les degrés de difficulté. C'est facile, médium, dur, 1980. Lol. C'est quand même drôle. Fait que Dans Paper le temps qu'il Sorcerer, c'est faisait des bons jeux. nostalgique. Oui, c'est ça. C'est pour les nostalgiques. C'est drôle parce que j'ai trouvé le Tome of Heroes dans mon espèce de chambre, là, parce qu'à un moment donné, t'as comme une petite ville. Puis, dans le Tome of Heroes, au début, les noms, ils avaient l'air pas pire. Plus je scrollais, c'est juste des noms, genre. Puis les noms avaient l'air de plus en plus weird, puis modernes, jusqu'à ce que je réalise que c'est les gens qui ont donné dans le Kickstarter, qui ont genre tous leurs noms de recensés dans un livre qui s'appelle le Tome of Heroes. Oh. C'est drôle. C'est cute. Parlant de first person shoot, ben de first person exploration game Exploration bizarre. avec des Ouais. visuels bizarres, j'en ai joué un tantôt avant d'arriver de m'en venir. Prononce-nous donc ça. On l'a. Pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, avant que je parte l'enregistrement, pendant qu'on était live, on a parlé de comment prononcer le nom du jeu suivant, The Catacombs of Solaris. Ça va. Solaris. Ça va. Catacombs of Catacombs, Solaris. En tout Solaris. cas, ça là. Ça. Ouais. Ça fait mal aux yeux, ça, en tout cas. Ça là, ça c'est weird. Fractal, Ça, là, si vous aimez les fractales, là. Attends, fractales, faut-tu dire des fractaux? je pense que c'est fractal. Ça Eh, c'est une sonne bonne laid, ça, les question, ça. fractaux. Non. Ouais. Si vous aimez ça, les fractales, là, vous allez capoter ben raide. C'est un first person walking game. C'est-à-dire que c'est pas un jeu qui a un but, là, à part que si ton but, c'est genre de te péter les yeux. Mais c'est cool. Mais c'est pas. Non, ok. Non, j'ai pas de te péter les yeux. Ouais, C'est. ça sonne pas bien, c'est pas Ok, très vendeur. clic ben. Si tu. Au début, tu vas jouer, là, puis tu fais comme. Ok, il y a des couleurs. Les couleurs, c'est. Les murs, c'est un first person. T'es dans des corridors. Puis il y a littéralement que des corridors, là. Y a rien à. Y a pas d'objet à trouver. Y a pas d'attaque. Y a pas d'ennemi. Y a pas de. Y a rien. Il n'y Tu a pas te de promènes dans les sortie. corridors. C'est comme un labyrinthe de corridors, puis il n'y a pas de sortie, c'est juste des corridors. Puis les murs sont tapissés de pixels de couleurs. Tu sais, comme si tu vas dans Photoshop et que tu fais genre add noise filter, puis que tu vois comme une image de couleurs, de toutes les couleurs, Ah gris, ouais. rose, vert fluo, et jaune, et bleu, et rouge, et toutes les couleurs, là. Bon, ça. Fait que ça. Ça tapisse les murs. Puis là, tu marches dans le corridor, puis tu as un peu de misère à voir, genre, tu sais, qu'est-ce qui est un mur, qu'est-ce qui est le plancher, puis où est-ce que ça tourne, puis tout ça. Puis tu fais comme, Je OK. regarde la vidéo de démo là, puis c'est ça, le gars il a juste l'air de chercher son où les vrais murs. Ouais. Mais c'est là que, au début, tu fais comme, OK. Puis là, c'est quoi la poigne? Parce qu'il y a une twist. C'est que, à un moment donné, il y a comme une affaire cool qui peut se passer, genre, dans la manière que tu contrôles. Tu peux comme faire comme un truc weird, cool. OK. Puis là, tu vas faire comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Puis là, tu vas comme, finalement, tu continues de te promener, puis ça fait vraiment weird. Puis là, à un moment donné, tu vas être capable de le déclencher par toi-même. Oh. Puis là, là, ça devient vraiment pété. OK. Puis là, c'est comme les couleurs, puis c'est cool. Wow. Puis là, tu fais ça pendant 20 minutes de temps parce que c'est malade. C'est juste, y a rien, là. C'est juste ça. Il y a Juste un te effet promener, cool, puis puis là, à un moment donné, tu trouves comment le déclencher à volonté, puis là, tu le fais, puis là, c'est comme, tu regardes les effets que ça peut créer, puis c'est cool. Puis ça a vraiment l'air d'être un trip de drogue, mais sans la drogue, y a t'sais. même pas de musique ou de son dans le jeu. Le jeu est OK. 100% silencieux. Fait que moi, je vous dirais, là, pognez votre soundtrack Hey préféré, mettez boy. ça sur play, puis partez le jeu. Le jeu fait, mettons, genre 3 megs. Puis ce part, il n'y a pas de menu. C'est comme tu pars le jeu, t'es dedans, puis tu fais escape, puis le jeu se ferme instantanément. Il n'y a pas de save, évidemment, parce qu'il n'y a rien à saver. C'est juste weird et funky et coloré et fractal et beau. Wow. Mais je vois pas comment c'est fractal, par contre. Tu vas voir. Je sais pas, c'est pas comme une formule mathématique qui fait des spirales. Ouais. C'est très, très, très, très vulgarisé, mettons. Ben... Ah, mais c'est-tu le pouvoir spécial que t'as à un moment donné qui te fait faire des fractales? Mais un fractal, c'est une image que tu peux comme continuer de regarder à l'infini puis qui se fait déformer par une formule mathématique. Et là, la formule mathématique, c'est ton point de vue de caméra. OK. Puis ton déplacement dans l'environnement de corridor 3D change les textures que tu vois sur les murs et en tout cas. Tu sais, c'est gratuit, là, ça prend comme une minute ou 20 ou 3h30 si t'es vraiment dedans. Là. Ça dépend de toi. Là. Genre, moi j'ai gossé dedans pendant longtemps, puis c'est ça que j'ai trouvé cool, là, c'est qu'après avoir arrêté de jouer, genre, je m'en retournais dans le vestiaire pour aller chercher mes bottes. Puis genre, je descendais l'escalier, puis là, je voyais comme les murs puis le plancher se déformer comme dans le jeu. J'étais comme « Oh, c'est malade! » Genre, mon cerveau continuait à processer le monde comme dans le jeu. Puis là, j'étais comme « Hey, ce jeu-là en VR, ça serait malade! » Oh, mon Dieu! Bref, j'ai fait comme « Ok, ce gars-là mérite que j'y fasse un petit don, fait que j'y ai envoyé 2$. Bon. Pour son truc. Allô dans le chat, les gens dans le chat qui disent allô. Hey! Allô dans le chat! Ou dans le chat, ça dépend comment. Allô dans le chat. Dans le chat. Ouais. C'est gratuit, ou pay what you want, c'est sur itch.io, cherchez sur Google, The Catacombs of Solaris. Personnellement, sur la page Facebook, là? Oui, c'est vrai, je l'ai posté sur Facebook, sur notre page Facebook, avec un commentaire très pertinent, je dirais. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre? T'as sûrement mis l'autre jeu, là? Moi, j'ai mis l'autre jeu. Go. On a parlé de Qu'est-ce que tu vas jouer durant tes vacances, là? Ah, oh, c'est ça, on a oublié. Qu'est-ce que j'ai recommencé? Mais c'est un jeu que je retombe dedans tout le temps, une fois de temps en temps, là. C'est Path of Exile. Parce que j'ai toujours pas fini. Puis là, il y a une nouvelle expansion. Puis il y a plein d'autres affaires. Puis moi, j'aime beaucoup les hack and slash. Que tu réfléchis pas, puis tu fesses dans le tout. Hein? Les Diablo-ish. Ouais, ben c'est ça, tu sais, tout le temps comme un Diablo que je reviens, mais depuis que j'ai découvert Path of Exile, je dirais que le jeu qui m'appelle, le jeu qui me tente, là, c'est vraiment Path of Exile. Parce que le jeu qui t'appelle au loin, t'appelle au loin. Je trouve qu'il reprend la formule comme Diablo 2 puis qu'il l'améliore vraiment beaucoup. Fait que, puis même avec des petits événements aussi uniques à la Diablo 3. Fait que, ouais, Path of Exile, ben c'est un hack and slash en vue isométrique, avec énormément de loot, comme d'habitude, mais avec pas d'argent. Et pas de sous. Oui, c'est ça. J'avais joué un petit peu, puis je me souviens que pas d'argent, je trouvais ça comme spécial. C'est comme du troc, puis ça te donne des objets qui peuvent, genre, t'aider à changer les caractéristiques sur tes équipements, etc. Fait qu'il y a vraiment aucune monnaie, puis il y a un arbre d'habileté immense, fait que tu peux aller dans à peu près n'importe quelle direction avec n'importe quel personnage, puis tes habiletés, c'est des gemmes que t'équipes sur tes armes ou sur ton équipement, fait que tu peux mettre n'importe quoi comme habileté, puis quand tu les as équipées, ils montent de niveau, fait que tu peux, tu sais, je trouve la personnalisation est vraiment, vraiment incroyable. Puis le setting est intéressant, tu sais, ça s'appelle Path of Exile, mais t'es un exilé dans un monde qui n'a pas l'air très très gentil, qui fait peur un peu. Puis c'est dark, c'est grim, mais c'est intéressant, c'est joli, sans être comme trop demandant, là. C'est pas tellement high-res, mais tu sais, c'est beau. C'est drôle parce que moi, tout ce que je me souviens de ce jeu-là vraiment, c'est que c'était flou. Puis que j'étais comme, c'était dur. Mais je viens de me rappeler que je jouais ça sur mon vieux laptop. c'était, je devais probablement mettre les settings au minimum et la résolution au minimum. Fait que, ouais, ça devait être pixelisé. Ouais, c'est peut-être parce que j'ai un bon ordi que c'est beau, là. Ouais. Je devrais peut-être le réessayer. Mais c'est comme Diablo, là. On peut jouer en coop à ça, là? Oui, oui, oui. Fait que c'est comme un MMO, mais pas... Parce que c'est gratuit, c'est en ligne, mais les autres joueurs, t'es vois juste dans les villes. Genre, quand t'es dans, ailleurs que dans une ville, où est-ce que tu te bats pis tu fais tes quêtes, ben, si t'es en groupe avec quelqu'un, il va venir avec toi, mais sinon t'es tout seul. Ben forcément, parce que les maps sont générées aléatoires, je pense. Oui, c'est ça. C'est comme Diablo. Sauf que quand tu vas en ville, t'as d'autres joueurs. T'as comme tout le monde. Ben, il aurait pas été capable de mettre des joueurs dans des maps aléatoires. Non, c'est ça. Mais de toute façon, dans un MMO comme ça, c'est tout le temps le problème que t'as besoin de tuer le monstre, puis il est plus là parce que quelqu'un l'a tué. Ah. Ou les gens te volent ton loot, ou t'sais, non. Ah, oh, les gens! Fait que c'est vraiment comme un Diablo, mais dans les villes, ben là, t'as puis des si... gens. Mais moi, j'interagis pas avec personne, je m'en fous. Bon, mettons que je joue à ça là, avec toi, là, puis toi qui dois être ultra boosté, puis moi qui va être un nouveau bonhomme, parce que c'est sûr que je vais falloir que je recommence du début. Non, j'ai presque pas joué, mais je me suis pas rendu loin, puis là, je suis encore dans l'acte 1. J'ai pas eu le temps de jouer tant que ça, là. Ah, ok. Fait que ça serait-tu le fun de mais jouer? Mais je sais pas si je veux jouer avec du monde pour l'instant, parce que j'ai jamais fait au complet pour une fois, genre pour la première fois, fait que genre j'écoute toutes les affaires de dialogue, de lore. Ah, oh, moi aussi, je suis... Ah ouais, ben oui, c'est vrai. J'écoute tout, tu sais. Puis après ça, peut-être que genre je jouerai plus comme, tu sais, à la Diablo, genre on monte un bonhomme puis on va battre des boss. Donc. Yo, j'étais le genre de personne qui jouait à Borderlands 1 puis qui lisait le texte des quests. Bon, l'affaire que personne je disait. Me suis tanné vite. Ouais. Je me suis tanné vite un peu. Mais ouais. Alors. Nabit dans le chat a demandé c'était quoi le titre du jeu de drogué. C'est Catacombs of Solaris. Qui est ça. Et moi, je trouve que ce jeu-là a vraiment l'air. Là. Je veux dire, t'as plus besoin de drogue, là. J'ai rendu là. Ben, c'est peut-être un peu... Tout le psychédélique que tu peux vouloir va être là-dedans. En tout cas, ça doit être le fun en tabarnouche de jouer ça sous l'effet de substance. Mais... Je suis pas sûr. Mais c'était déjà pas mal le fun de jouer ça. Fait que... C'est-tu un improvement? C'est-tu un déprouvement? Je suis pas sûr. Si t'as tendance à être un peu paranoïaque, là... Non, c'est pas, y a rien d'épeurant pis weird, c'est juste... Non, mais justement, mais juste si t'es drogué, cool. Tu vas peut-être trouver des choses d'épeurant pis weird. C'est ça, je veux dire. Peut-être avoir un mauvais trip, parce que ça va être trop... Qu'est-ce que tu prends, là? Anne-Marie, qu'est-ce que tu prends à coudon pour avoir des expériences de même? Mais c'est trop de stimuli. Bon. Fait que là, on pourrait jouer à Path of Exile. OK. Ouais. Ben, c'est un jeu indie en plus, puis je sais pas si j'en avais parlé, mais leur modèle d'affaires est tellement cool, là. C'est genre, c'est gratuit, puis c'est pas pay to win. Tout ce que tu peux acheter, c'est genre plus de place dans ta banque, puis des trucs cosmétiques. Oh! C'est vraiment fou. Moi, ça m'a tellement impressionné, là. C'est juste une toute petite compagnie de rien. Les autres, ils ont parti tout seuls. C'est comme une lettre. Oui, ça marche. Mais parce que ça fait des années que ça existe, puis ils viennent encore de sortir une expansion. Ils sortent des patchs de contenu super régulièrement. Vraiment, vraiment étonné, tu sais, de ce jeu-là, là, et ça roule encore super gros, puis à un moment donné, je jouais, puis je voulais les encourager parce que j'aime beaucoup leur modèle d'affaires, puis j'aime beaucoup, tu sais, c'est une lettre d'amour à Diablo 2, ce jeu-là, là. Mm-hmm. C'est des fans, là, qui ont fait ça, c'est sûr, puis, fait que je voulais acheter des affaires sur le store, puis j'ai comme rien trouvé qui me tentait. Je voulais leur donner de l'argent, puis j'ai rien trouvé qui me tentait dans le store. Tu pouvais pas t'acheter une mount ou un chapeau? J'aurais pu acheter des choses cosmétiques. Oui, il y avait des affaires de même. Mais c'est que j'aime ça jouer pas de cosmétiques parce que le jeu est super. Tu commences, là, tous les items que t'as, c'est de la merde. T'es dans la merde, tu ramasses de la scrap, pis c'est que ton personnage a l'air de ça. Puis moi, j'aime ça, tu sais, bon. Je suis une fille, là. C'est peut-être ça, là. Je suis girly. J'aime le linge. Puis j'aime ça quand je change d'armure, que ça apparaisse sur mon bonhomme. Fait que t'aimes ça être habillé dans scrap. Mais tout est cool, ouais. Tout est comme un peu décrépit, pis t'as de l'air vraiment dark. Tu t'as de l'air de quelqu'un qui rush dans la vie, là. Je sais pas, moi, je voyais rien. Je jouais trop basse que ça. Oui, c'est ça. Mais tu peux zoomer sur ton bonhomme, pis tu sais, comme j'avais un dueliste, pis j'avais trouvé un tricorne, pis j'étais comme full contente d'avoir un tricorne pour mon dueliste. Pis là, je suis Shadow, pis j'ai trouvé un masque de docteur de la peste. Fait que j'ai comme un gros masque de corbeau, pis là, genre, je suis en bedaine. J'ai comme un gros masque de corbeau pis des guenilles. Je vraiment genre... Anne-Marie, là, t'es tombé maladie. Mais je trouve ça cool! C'est Ouais, cool! Fait que c'est je voulais pas cool. avoir un truc cosmétique qui change parce que tant que j'ai pas fait l'expérience de tout le jeu, je veux vraiment voir c'est quoi comme les équipements que je pogne. Sauf que je trouve ça intriguant parce que d'habitude, le modèle d'affaires free to play, c'est que les jeux n'ont pas de fin. Fait que Ah, oh, ça n'a pas vraiment de fin. Mais tu il y vas a comme tuer. un endgame. Ok, bon. Il doit y avoir comme des raids ou des trucs comme ça. Puis ils font des saisons. Comme Diablo, dans le fond. Il y a des saisons où tu te repars un nouveau bonhomme. Puis tu as des défis à faire. Puis tu as un classement. Tu sais, oui, il y a quelque chose pour que le monde y reste là. Oh. Tu as la saison en mode hardcore où tu peux pas mourir, comme Diablo hardcore. Tu sais, Je tu peux pas meurs, t'es... mourir. Non, mais si tu meurs, t'es out. Ah, oh, Si tu ouf. meurs, t'es out. Ouais, moi, je suis pas capable de... Ben, c'est moins pire parce que dans Diablo, si tu meurs, tu perds ton personnage de façon permanente, là. Moi, je serais jamais capable de faire ça. Ben, j'imagine que c'est le fun quand c'est la 14e fois que tu joues le jeu, là, puis que là, tu veux juste plus de défis. Ouais, c'est bien, il y a du monde qui trippe, là. Je connais du monde qui me disent, moi, je jouerai Non. jamais en Diablo pas hardcore parce que, genre, la vie n'a pas de sens si tu tiens à tes fesses au point que, tu sais, tu peux pas mourir, là. Tandis que sinon, tu te laisses mourir, puis c'est correct, t'sais. Mais crime, tu perds ton bonhomme de façon permanente, là. Ah, je trouve que c'est trop, ouais. Je trouve que c'est trop une grosse punition. Mais bref, il y a des choses comme ça, puis c'est ça, à chaque saison, il y a comme une nouvelle patch, du nouveau contenu, ils rajoutent vraiment des affaires, fait que... Je suis bien, bien impressionnée par Path of Exile. Fait que ça va être mon jeu cette année. À Je vais Noël. peut-être le réessayer d'abord. Ben, tu me feras signe. Sinon, c'est sûr, nous autres, quand tout le monde va être disponible, on va sûrement rejouer à Divinity. On a joué, quoi, 14 heures en 2 jours en fin de semaine. Pour être 100% honnête, soyons honnêtes, à quoi je vais jouer durant les vacances? Heroes of the Storm. Hein, Anne-Marie, Hey! là, comment t'as Hey! fait? Comment t'as fait pour devenir dans ma tête? Faudrait bien que j'essaie Wow! ça un jour, mais les MOBA, je sais pas. Ah, il est facile à essayer. Puis en plus, là, ils ont tout refait le tutorial. Il est rendu bien mieux. Ok. Mais on dirait que j'ai de la misère à investir du temps dans des MOBA parce que je vois pas l'intérêt au bout de la ligne. Mais t'as pas. Il n'y a pas d'int. Mais Mais c'est c'est. ça, il y en a pas. Non, mais c'est le fun. Mais. Mais tu joues, puis là, tu deviens Mais c'est que t'as meilleur. même pas de progression. Oui, il y en a de la progression. C'est toi qui progresses. Puis, yo, c'est un jeu Blizzard. Fais-moi pas croire qu'il n'y a pas de progression. Il y Mais a 1 million de progression. Tu peux ouais. tout leveler, puis augmenter, puis level, puis ici, puis Mais les acheter, MOBA, puis... c'est ça, tu sais. La progression, c'est toi qui la fais de game en game parce que tu deviens meilleur, mais genre, on dirait que ça me satisfait pas. Non. Wow. Il faut que tu débloques les nouveaux héros, tu fais tes quests, tu fais tes sites, Il y a tu des fais tes... quests? Ben oui! Il y a des quests dans Heroes of the Storm. Ben, c'est genre jouer 3 games avec un assassin. Arrgh! C'est pas une quest, ça! Mais là, c'est pas une story, là. Mais c'est ça! Mais je dis Il ça, mais n'y en en a pas! fait, quand tu Il n'y a parles pas le de jeu, Maya, il n'y a pas de cyborg. il y en a une story. Ah, ben là, si tu veux juste des histoires avec des Mayas, puis des cyborgs, puis des tempêtes de neige. Ah, je m'excuse, tu vas être obligé de juste jouer au jeu de David Cage. Ben ouais, pas le choix. Pas le choix. Là là. Non. Qu'est-ce que je vais jouer durant mes vacances? Je vais jouer à des Ouais. board games. Ah, c'est cool Parce que je ça. vais aller chez ma mère, avec mon frère puis ma soeur. Puis là, pendant qu'on va être chez ma tante puis mes cousins qui vont déballer leur 1 million de cadeaux. J'espère qu'ils ne nous écoutent pas en ce moment. Parce qu'ils ont beaucoup de cadeaux. J'espère pour toi. Puis nous, on n'en a pas parce qu'on se fait pas de cadeaux vraiment tant que ça. On est des vieux. Non, parce qu'on est des gens qui ont trop d'affaires, puis on veut rien. Ouais, y a ça. Fait Mais moi, que... j'ai acheté des cadeaux pour mon petit neveu, puis j'ai envie de les garder, là. À chaque fois, ça fait 2 années de suite que je vais au Toys R Us pour mon neveu. Puis genre, je manque de partir de là avec des Legos pour moi-même, là. Ben, Hey c'est boy! correct. Oui, Non, mais tu l'achètes en je sais. double, tu dis un C'est pour toi, vrai, un c'est pour pour moi. moi. Ah, c'est Puis vrai. on peut jouer ensemble. Oh, ça serait cute, ça. J'avoue. À chaque fois, je suis comme là, tu sais, Noël, ça coûte cher, là, faut que j'achète de quoi pour lui, je vais l'acheter. Puis, même que je voudrais des Legos pour moi, je reviendrai. Tu sais, puis là, j'y pense pas. Puis le Noël de l'année suivante, puis je suis comme, oh, les Legos sont tellement cool! Hey, les Legos de Star Wars, ils sont écœurants. C'est juste des petits Oui, bonhommes. mais tu peux les faire toi-même. Non, mais pas C'est juste les genre petits bonhommes, 14 là. morceaux, Tu peux te ça faire un prend. X-Wing, là. Non, mais le cool, la partie cool des Legos, c'est que ça te prenne un après-midi faire tout Oui. le puzzle Oui. en suivant le plan comme du Ikea ou juste en suivant pas le plan et en faisant je fais juste ce que je veux. T'es supposé avoir un X-Wing qui se ramasse avec un AT-ST. Ouais, Suis pas le mettons. plan. Mais maintenant, les affaires, ils ont 14 morceaux, puis ça s'assemble en 3 minutes. Puis là, Pour c'est vrai? comme. Ben, ça dépend quel kit, là. J'imagine qu'il y a encore Ouais. des gros kits, mais ceux-là, ils coûtent cher. En fait, les Lego, Il ça coûte coûte pas cher. En cher. fait, c'est pour ça que j'ai pas un General Grievous de 1 pied de haut en Lego. Parce que, genre, la seule chose qui m'a retenu, c'est le prix. Ah, Lunabit, il dit que Lucie est au Toys R Us, il a trippé ben raide, c'est pogné un Millennium Falcon version Hot Wheels. Moi, mon copain, ce qui l'a vraiment fait tripper, là, c'est le drone de Mario Kart. Le C'est genre. drone. Ouais, c'est genre Mario Kart, mais comme il vole, puis tu peux le téléguider, là. C'est vraiment comme What? un truc téléguidé qui vole Oh de my Mario God. dans un kart. C'est malade. Il y a tellement de belles affaires. Ouais, mais c'est pas aussi cool que l'affaire que j'ai vue l'autre fois. C'était une grosse ballonne d'hélium avec des hélices pour qu'il avance comme un drone. Mais C'est un zeppelin? c'était un zeppelin, ouais. Mais en forme de requin géant. Fait que t'as littéralement un requin qui nage dans l'air de ta maison. Mais c'est donc ben cool. Puis là, tu peux faire peur à tes chats. Oui. C'est Qui est sûr comme que la comment t'es seule l'idée raison que pendant tu juste voudrais après. acheter une affaire de même. Moi, ce que j'ai. Oh, ou dans la vidéo, la personne, elle faisait prendre l'ascenseur. Puis là, c'est comme. Il sort de l'ascenseur. Puis là, les gens font comme. Parce que c'est un fucking requin. C'est fucking Bon, il parfait. n'y a pas de l'air particulièrement réaliste, là, c'est quand même une ballonne. Ouais, tu fais le saut là, c'est ça Mais l'intérêt. C'est tombé c'est drôle. drôle. Wow. Non. Donc, Noël, je joue à des Ouais. board games. Quel board Oh. game? J'ai acheté Camel Cup ou Camel Up. C'est pas vraiment clair comment. C'est parce que le C il est comme combiné. Puis là, c'est-tu le Ah. même C pour les deux mots ou c'est. Ah. Tu sais, C'est des Camel trucs qui ont de Cup l'air ou design, Camel mais Up. c'est pas clair. Donc, la course de chameaux, c'est vraiment Ouais. cool. Les chameaux, ils avancent. Puis là, tu fais des paris pour qui tu penses qui va arriver en premier. Fait que là, c'est comme. Ah. Faut que tu checkes, faut que tu réfléchisses sur les probabilités. Puis là, tu fais comme. OK, c'est quoi les probabilités que le dé bleu sorte? Puis là, qui pogne un 3, là, je vais gagner beaucoup, mais sinon, Ah. puis là, t'es contre les autres joueurs, puis tout ça. Puis Faut que tu viennes sur ton chameau. il y a une mécanique vraiment cool parce que pour que le jeu fonctionne, il faut qu'il y ait des dés de différentes couleurs, puis il y a des chiffres sur les dés. Fait qu'il faut que chaque chameau avance une seule fois d'une distance random. Fait que. Les dés sont dans une espèce de pyramide, puis là, il y a une espèce de mécanisme qui fait sortir un seul dé à la fois Oh, avec un chiffre. ok. Fait que tu sais pas quel chameau va avancer, mais tu sais qu'un chameau va avancer de 1, 2 ou 3 cases. Ok. Puis là, tu pèses sur le truc, puis là, ça fait tomber un dé, puis là, tu vois le résultat. Ça va Et être drôle. c'est très bien fait. Moi, j'avais joué à Job. Quelqu'un l'avait amené sur l'heure du dîner, là, puis on avait eu bien du fun. J'étais surpris parce que ça avait l'air d'un jeu pour enfants. Mais non, là, les statistiques, puis essayer d'analyser, genre, les chances. OK, quelle chance que tel résultat arrive. Puis c'est si tu prédis correctement quelque chose de vraiment rare, là, ou t'es le premier à l'avoir prédit, là, tu vas avoir plus de points ben, de points. Fait que c'est pas mal cool. Sinon, qu'est-ce que je vais jouer? Mes autres jeux, là. Ra avec des dés. Moi, je joue à Exploding Kittens dans un party de Noël, là, 2 semaines. Hein. C'était cool. On Il y a a une joué à... expansion pour Exploding Kittens maintenant. Oh! On a joué à Ou un Secret... Imploding Kitten. Quoi? C'est-tu ça le nom pour vrai? Oui. Imploding Kitten. Ben, il me semble, mais en tout cas, t'as tout le Imploding Kitten que tu rajoutes à ton. Qui est comme un Nice. autre petit twist sur l'Exploding Kitten. Là. Fait Fait que que ça ça rajoute un explose par en dedans. petit twist. Oui, c'est ça. Nice. C'est bien le fun, ça. C'est bien cool. C'est comme un jeu de patate chaude, là, que tu sais qu'il y a une carte mauvaise qui s'en vient, fait que tu fais juste comme refiler les tours aux autres. C'est comme un Uno, un peu. C'est le fun. Nous, on a joué avec Pruno puis d'autres gens. On avait joué l'autre fois à Secret Hitler. Oh, oui! Avez-vous aimé ça? Ça ressemble beaucoup à Avalon ou à Résistance. En tout cas, il me Ouais. semble que ça s'appelle Résistance. Mais moi, je Mais préfère ça à avec... Loup-Garou parce que je trouve qu'il y a comme plus de Ah choses. oui, Il y a bien plus de contenu, là. Ouais. sans aucun doute, c'est meilleur Ouais, que ouais, ouais. Loup-Garou. Mais juste qu'il y a des gens qui disent que c'est des jeux de déduction sociale, fait que c'est comme Loup-Garou, mais comme, non, t'as plus de choses pour te baser, là. Parce que Loup-Garou, les premiers tours, c'est toujours, moi, j'accuse un tel parce que je t'aime pas. T'as rien à dire, là. Mais là, c'est genre, t'as les démocrates contre les fascistes. Puis, il y Oui. a Hitler. Mais personne ne Oui. sait c'est qui Hitler. Non, les fascistes savent c'est qui Hitler, mais Hitler ne sait pas qui sont ses alliés. Oui, c'est ça. Fait qu'il est comme Ce un peu perdu dans ses affaires. Comme, ben, sont les comme un vrai Hitler, j'imagine, il connaît pas trucs. ses Je sais alliés. Fait que là, ils sont tous là, genre, oh, mais est-ce que t'es Hitler? Oh non, t'es un. Fait que là, les conversations, c'est. pas. Genre, c'est un après-midi, 1 heure, mettons, de gens qui se crient, genre, t'es un Une fasciste! Est-ce que t'es fasciste? Je le savais! heure. Ça vote pour Oh des lois de là, même, ça, c'est c'est un toi qui as fasciste. voté contre! T'es un fasciste! C'est des lois que tu passes, puis. Oui. C'est cool. Mais c'est ça, c'est que le jeu est pas tout noir tout blanc parce qu'il y a des avantages à passer des lois fascistes quand t'es démocrate. Des avantages à passer des lois démocrates quand t'es fasciste parce que comme ça, tu te fais pas traiter de fasciste. Entre autres. Fait que ça, non, c'était pas mal Ah, cool c'est. comme jeu. Puis, Ouais, moi aussi j'aimais ça. ceux qui sont assez chanceux pour l'avoir pogné en Kickstarter, est-ce que la boîte est belle? Ah ouais! Ah, je sais C'est. pas, moi j'ai juste vu des Parce imprimés, que genre. déjà, la boîte en carton est super belle. C'est genre jeu style années 50. Tu sais, les vieux jeux Monopoly, puis Carrière, puis compagnie, là, qui avaient comme Ouais. 3 couleurs pour leur jeu au complet. Fait que c'est vraiment rétro, rétro, là, comme esthétique. Puis ceux qui ont fait le Kickstarter, ben, à ce qui paraît, on m'a dit, c'est que le Kickstarter a fait tellement d'argent qu'ils ont juste, comme, rajouté des affaires. Fait que la belle boîte en bois, vernis Oh! poli, gravée sur le dessus avec du velours à l'intérieur, Ben non! hey! C'est donc bien Il paraît que tu hâte. peux encore J'aimerais l'acheter dans certains magasins. voir ça. Il y en avait des extras. C'est assez classe. Bon, évidemment, je vous dirais de jouer le jeu avant parce qu'avant de payer le gros prix pour un jeu juste parce que la boîte est belle, c'est peut-être pas la meilleure chose. Mais ouais. Wow. Sur ce, il est pas mal 10 heures. Alors, c'est pas mal la fin de l'émission. Il est pas mal On a la fin. donné des bonnes idées pour Noël, je pense. Yep, ouais, je pense qu'on a donné pas mal de bonnes idées. Ouais. Mot de la fin? Mot de la fin. Mot de la fin? Je vais commencer. J'en ai un petit. Tu sais, OK. Open Sorcery, là, qu'on avait parlé il y a longtemps, là? Tu Oui. sais, j'avais dit qu'il y avait un bug sur iOS puis que le jeu ne savait pas. Ouais. Eh bien, je confirme que le bug est maintenant résolu. Oh yeah. Et c'est un peu grâce à moi, by the way, parce que j'avais contacté la fille sur Twitter, puis là, elle Rien a dire. investigué, fixé, et là, elle m'a demandé est-ce que c'est bien fixé parce que je suis pas capable de le tester moi-même, et là, j'ai confirmé que oui, c'est bien fixé. Oh Alors, cool. Open Sorcery, c'est un petit jeu gratuit, puis ça a l'air que là, elle est en train de travailler sur comme une version allongée qui serait Ok. payante. C'est vraiment bon. C'est super bien écrit, puis tout. Ouais. C'est bien fait. C'est pas juste bien écrit, c'est comme bien designé, là. C'est tout comme ce que tu peux cliquer. Ouais. C'est un des rares jeux Twine qui m'a vraiment accroché. Genre, Ouais. oh wow, je veux voir qu'est-ce qui s'en vient après. Ouais, pour un jeu Twine, c'est Fait que vraiment chouette. c'est mon petit mot de la fin. Open Sorcery. Comme dans Open Source, mais c'est un jeu de mots avec Sorcery. Et toi, Anne-Marie, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour finir? Oh, je sais pas. Je regarde ce que j'ai écrit, puis je dirais que, ouais, ça voulait un petit moment de paix et de zénitude. Proteus, c'était vraiment. J'ai bien aimé. C'est vrai que C'est c'était sûr qu'il cool. faut. Ouais, c'est sûr qu'il faut s'attendre un peu, là. C'est pas un jeu-jeu, comme on a l'habitude, là. C'est juste. C'est une exploration audiovisuelle. C'est court, mais c'est léger, là. Un jeu pour Puis. voir des belles choses. Ouais. Puis entendre, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé les sons qui fit avec ce que tu vois, là. Parce que tout ce que tu vois a un son. Ça, j'ai vraiment, vraiment apprécié quand tu prends vraiment le temps de faire attention, là. Fait que tout ce que tu entends, c'est des choses que tu peux voir, là, de bruissements de feuilles, etc. Je suis pas mal fan. C'est David Kanaga, si je me trompe pas, son nom. Il a fait la musique et les effets sonores, puis je suis pas mal fan de ce qu'il fait. Ah, Il a c'est. aussi Ouais, fait la j'ai vraiment aimé musique ça. pour Dyad, le jeu. Ah, ça me dit quoi, ça? C'est un peu psychédélique, c'est très cool. C'était sorti sur PlayStation et sur Steam. C'est pas mal bon, Dyad, puis c'est Je l'avais pas. intense. C'est le jeu qui va vous faire pomper votre adrénaline après même pas 2 minutes. Ah ouais? Ah ouais, c'est. Mais dans le bon sens, là. Genre, Ok. ça fait. Moi, ça me fait hyperventiler quand je joue à ça. J'étais comme. Ouais, c'est pas vraiment dans le bon sens. Genre. Pas tellement dans le bon sens. Ben, oui. En tout cas, c'est Ok. intense. Cool. Et c'est ce qui termine pas mal l'émission. Cette autre émission 145 de On a juste une vie. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez vous abonner en allant sur onajusteunevie.ca et il y a des liens vers notre Facebook et notre Twitter. On est aussi, bien sûr, sur iTunes, sur le iTunes Podcast Store et sur YouTube. Ça coûte rien pour s'abonner et vous pouvez ainsi ne jamais manquer une seule des pertinentes émissions de On a juste une vie. Et écoutez nos passionnantes aventures avec Nicolas Cage dans Trésor National ou avec Pokémon Vieux Monsieur. By the way, j'ai débloqué, je suis monté de level, puis ça m'a donné un nouveau Pokémon. C'était un Hitmonchan. Oh boy. What the fuck, Oh Hitmonchan? boy. Pourquoi est-ce que tu tiens ton pickaxe entre tes jambes puis que ça ballotte? Ça a vraiment de l'air de d'autres choses. Mais pourquoi tu le lances puis il y a une corde? What the fuck, Hitmonchan, vieux monsieur? Mon En Dieu, plus, il est en ce jeu. jupe. Pourquoi Hitmonchan est en jupe? Est-ce que sinon ce serait PG-13? C'est Hitmonchan. Non, mais c'est Hitmonchan! Dans Pokémon aussi, il y avait une jupe, puis parce que j'étais comme, pourquoi il y a une jupe? Là, j'étais allé chercher sur Internet, et non, il y avait une jupe dans Pokémon aussi. Pourquoi? Je comprends pas. Je sais Anyway, si vous voulez des autres émissions pertinentes, puis de comme ça, vous pouvez vous abonner à On a juste une vie. Puis si vous avez trouvé des affaires weird que vous voulez nous envoyer, pas. bien, vous pouvez nous les écrire dans le chat quand on est live le jeudi soir à Oui, 8 heures. Ou nous écrire sur Facebook ou Twitter ou à email à info@onajusteunevie.ca. C'est info avec pas de S. C'est un ok. info, Ouais, I guess. tu veux de l'info. Je pense qu'on a d'autres, je pense qu'on a d'autres alias qui permettent de nous écrire aussi. Je pense que c'est écrit à moi, à on a juste une vie ou des. Genre nous. J'avais créé un paquet d'adresses weird. Mais info, ça c'est probablement la meilleure manière. Merci Anne-Marie d'avoir été là à ce soir. Merci Blob qui s'est fait Plaisir. couper les cheveux et qui était pas là. C'est pas grave, on l'aime Merci pareil. Naf du futur qui va faire le montage, puis Naf du Ouais. présent qui fait le Oh my podcast. god, je sais pas quand est-ce que je vais faire le montage. Un bras de Noël. C'est Noël dans 2 jours. Fuck. Et donc, Vraiment on pas se surpris. retrouve pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est Noël, ou c'est la semaine. Donc, je sais pas exactement quand est-ce qu'on va se retrouver. On va se La semaine d'après? retrouver. Attends, je check un calendrier vite, vite, là. Peut-être le 5 janvier. Ouais. Les vacances vont être finies. On devrait être dans le mood pour parler de nos jeux de vacances de Noël. Puis faire un... ça, là. Ouais. 5 janvier. On se retrouve le 5 janvier. Good. Là, en attendant, achetez pas trop d'affaires à Noël. Sérieux, vous en avez pas de besoin. Les gens seront pas plus heureux. Jouer à des board games avec eux, c'est bien plus cool que de déballer des cadeaux pendant 2h30. C'est vrai. Faites comme Marche, achetez des jeux parce que ça vous tente de jouer là, là. Pas ouais. Parce qu'ils vont prendre sur Steam. Oui. Jouez-les là, là. Là, là. Ouais, ouais, ouais. Là. Parce que vous avez juste une vie. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'on devrait réellement faire pour avoir la vraie authentique réponse à cette question? On devrait bien sûr écouter Trésor National avec Nicolas Cage. C'est bien sûr la façon la plus rapide et efficace d'avoir une réponse à cette question. Écoute, ils vont dire Calacombs au moins 1 million de fois. Mais je n'ai pas vu ce film-là. Oh, c'est tellement dommage, Marie, tu n'as rien manqué. Puis, et bien sûr aussi Trésor National 2, que c'est la même affaire. C'est dans un autre catacombe. c'est comme le même film. C'est comme les ruines sont un peu différentes, mais c'est la même chose. À la fin, il rentre dans la salle, puis là, il a sa torche en feu, puis là, il fait noir. Puis ils sont comme, oh shit, il fait noir. Puis là, il est comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, il met sa torche dedans. Puis évidemment, il savait que c'était de l'huile. Puis là, ça pogne en feu. Puis là, ouais. Ça fait un aqueduc d'huile qui transporte son feu pour l'amener. Et ainsi, tu sais, ça voyage dans des pipes. De... Je pense que ça marche vraiment de même. Tchut, Anne-Marie. Tchut. Là, le feu se propage et là, ça en va allumer toute la salle. Oh, que c'est beau, ça. Parce ça fait tellement vieux. Ça s'en va comme jusqu'au... Ça serpente jusqu'au milieu, jusqu'à la, comme la piscine d'huile qui pogne en feu. Puis tu sais, c'est des catacombes là, qui sont là depuis des milliers d'années. Ça n'a jamais séché. Des milliers d'années, l'huile est encore là. Fonctionne très bien. Sérieux, on aurait dû engager les gens qui font les ruines de Trésor National pour faire les ponts au Québec. Ça aurait été plus pertinent et solide. Sauf que non, parce qu'évidemment, quand ils arrivent là, il y a des méchants qui courent après. Puis là, il y a comme une fusillade. Là, ils échangent comme 3-4 balles. Puis là, évidemment, ça pète la planche. Ça pète un bout de bois, puis là, ça plie, puis là, ça casse. Puis là, c'était la bout de planche qui faisait tout tenir. Là, tout se met à tomber. Puis là, il essaie de sauter par-dessus des crevasses, là, tout s'écroule. Tu sais, ça tenait des milliers d'années. Mais là, il a pété la planche qui faisait tout tenir. Un maudit explorateur qui met ses papades partout. Ah, oh, Trésor National. Oh. Et Trésor National 2. Est-ce que ces films-là, je sais pas s'ils vont être classés comme Trésors Nationaux. Oh! Peut-être que Trésor National 3 sera classé Trésor National. Toujours avec Nicolas Cage. Écoute, là, ils s'en vont. Tu sais, là, les montagnes là, avec les faces des présidents là, aux États-Unis. Là, oui, le Mont Rushmore. Oui. J'imagine que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui. c'est comme des montagnes, là, puis là, il y a des... En tout cas, je sais pas vraiment qu'est-ce que ça a l'air dans la vraie vie. Moi, je l'ai juste vu, genre, dans Simpson. OK. Puis, là, évidemment, tu sais, Trésor National, Il faut mettre des symboles emblématiques américains. Là, ils s'en vont là, puis là, ils escaladent la montagne, puis là, ils sont dessus. Puis là, il y a comme une roche avec un trou dedans. Puis là, ils mettent sa... Puis là, il y avait comme une carte, là, puis là, avec une enseigne mystérieuse. Puis là, il met sa main dedans, puis là, il y a comme un piton. Puis là, il prononce l'incantation « Ado, papa ». Puis là, ça tourne. Puis là, le Mont-Rochemort s'ouvre. Là, tu fais comme... Il y a des centaines de millions de touristes qui sont allés là. Il y a personne qui avait vu ça. Il y a personne qui connaissait l'incantation. Ah, excusez. Voir qu'il y a une incantation, c'est pas américain, genre. Trésor national américain, là. Genre. Pourquoi qu'il y aurait des incantations occultes? Ben, je sais pas, mais ça devait être du latin, là. Ouais, OK. Ça doit être du latin. Puis évidemment, dans l'Amérique de l'Antiquité, il y avait, les ruines sont toutes en... C'est des torches à l'huile, en tissu, en bois, en pierre. Okay. Il y a des mécanismes avec des engrenages en bois. Mais ils avaient la reconnaissance vocale. C'est ça. Ça fait plein de sens. C'est la reconnaissance du vocal, mais en bois puis en roche, là. C'est tout, là. Il y avait juste à pas avoir du métal, sinon ça aurait marché. Ah, il y avait peut-être du métal. J'ai peut-être oublié ce bout-là. Ouais. Il y avait du métal. C'est pas des métaux rares. S'il y avait du métal, il y avait donc du silice. S'il y avait du silice, il y avait des chips informatiques. Il y avait de la reconnaissance vocale, tu sais, hein? S'il y a ça dans mon iPhone, il peut bien avoir ça dans une ruine de l'Antiquité. Bon, là, je clarifie. Il me semblerait que Trésor National 3 n'est pas sorti. N'existe pas. Non, ça n'existe pas. C'est... Mais tu l'avais dit en joke, non? Mais pourquoi Google me dit, me met ça comme si c'était une vraie chose? L'aventure a un nouveau visage, mais c'est quand même Nicolas Cage.